Chapitre XII de la cinquième partie Jalousie contre amour de la fille du pirate par Henri Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre XII. La calèche brûlait la route en soulevant des flots de poussière. Les deux jeunes gens n'avaient pas encore échangé une parole lorsque tout à coup le ciel s'illumina d'une lueur fulgurante accompagnée d'un épouvantable coup de tonnerre. Effrayée par l'éclair et par l'explosion de la foudre, la grise fit un violent écart. Angèle essaya de la maîtriser, mais, surprise au moment où elle s'y attendait le moins, au lieu de rendre les rênes, elle les tira à elle, et l'animal continua de reculer vers le fossé qui bordait le chemin. « Lâchez les guides, lâchez les guides !» lui dit Alphonse. Il n'était plus temps. La voiture roula dans le fossé. Par bonheur, un gros peuplier l'arrêta dans sa chute et l'empêcha de se renverser sur le côté. Angèle alors sauta à terre, saisit le cheval par la figure et le ramena sur la route. « Mon Dieu ! » dit-elle en se rasseyant à côté d'Alphonse. « Vous n'êtes pas blessé, j'espère ?»« Non, » répondit le charpentier. « Mais vous ?»« Oh, moi » reprit-elle en souriant. « J'en suis quitte pour la peur. Maudite, étourdie, je ne sais vraiment à quoi je songeais. » Qu'est-ce donc encore? Voici la grise qui refuse d'avancer. Ah! Miséricorde divine! Qui sont ces hommes? Fin du chapitre XII de la cinquième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en janvier 2011. Chapitre XIII de la cinquième partie Jalousie contre amour de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre XIII. La calèche avait atteint la lisière du bois. Trois individus, de mauvaise mine, se tenaient debout derrière un arbre abattu qui barrait le passage. « Stop !» cria l'un d'eux avec un brogue très prononcé. Note, brogue, patois irlandais. Fin de la note. L'injonction était inutile, car la grise s'était arrêtée court devant l'obstacle, en reniflant bruyamment l'air et en frappant du pied. « Sainte Vierge !» murmura Angèle. « Serait-ce des brigands ?»« Que voulez-vous » demanda Alphonse, en élevant la voix autant qu'il put. « Chut, taisez-vous !» reprit la jeune fille, posant ses doigts sur les lèvres de son compagnon. « Si c'était des gens envoyés à votre poursuite !»« La bourse ou la vie !» répondait en même temps l'homme qui les avait apostrophés. « Ce sont des voleurs, rassurez-vous, » dit Maigret à sa libératrice. Les trois hommes avaient franchi la barrière qui les séparait des voyageurs, et deux d'entre eux s'étaient approchés de la voiture, tandis que le troisième maintenait le cheval par la bride. « Pas de cri, » dit le premier interlocuteur en armant un pistolet. « Si vous appelez, vous êtes mort. » « Nous ne possédons rien, mademoiselle et moi, » répondit Alphonse en anglais. « C'est ce que nous verrons, mais hors de la voiture. » « Ce monsieur est malade !» dit Angèle, dont l'amour exaltait le courage jusqu'à l'héroïsme. « Est-ce que nous nous serions trompés ?» marmotta le bandit. « John, passe-moi la lanterne. » Le personnage apostrophé tira de dessous sa souquenille une lanterne sourde et la remit à son camarade. Celui-ci la porta à la hauteur du visage d'Alphonse et recula d'un pas. « By Jesus Christ ! Vois-je ou ne vois-je pas clair ?» s'écria-t-il. « Mike !» dit Alphonse, avec non moins d'étonnement. « Mon compagnon de prison !»« Vous êtes aussi échappé ?»« Eh, grâce à vous, monsieur, j'ai dit adieu à la jug. » Note, littéralement, cruche, en argot anglais, prison. Fin de la note. « Une coquine de balle m'avait caressé le pouce, quand nous chevauchions sur le mur, vous vous rappelez, ce qui m'avait fait faire un saut de carpe et retomber sur le préau. On m'empoigna et me mit à l'infirmerie. C'était mon affaire, car le lendemain, je pris honnêtement congé de notre geôlier par la porte de sa cassine. Et maintenant ? Maintenant, je cherche à gagner ma pauvre vie. Si vous avez besoin de moi, je suis tout à votre disposition. Oh, je sais obliger qui m'a obligé. Je voudrais passer, je suis très pressé. Les chiens de policemen seraient-ils encore sur votre piste ? Oui. Allons, les anciens ! Cria Michael à ses complices, qui ne soufflaient mot. « Allons, nous avons commis une erreur. Respect à ce bourgeois. Débarrassons la route. » S'étant mis à l'œuvre, ils écartèrent l'arbre. Puis l'Irlandais revint vers la voiture, se hissa sur le marchepied et dit à Maigret « Jurez-moi, sur le salut de votre âme, que jamais vous ne parlerez de notre rencontre ici. »« Je le jure, » répliqua Alphonse. « Puis-je aussi compter sur la parole de cette demoiselle ?»« Oh, oui !» s'écria vivement Angèle. « C'est bien, » dit Mike. « Allez !» Aussitôt, la calèche s'éloigna à fond de train. Mais elle n'avait pas fait un mille que deux coups de feu ébranlèrent tous les échos de la montagne. « Ciel, entendez-vous ? » balbutia la jeune fille. Soit qu'il fût entièrement brisé par la diversité de ses secousses successives, soit qu'il fût absorbé par ses réflexions, le charpentier n'entendit ni les détonations lointaines, ni l'apostrophe de son ami. Fin du chapitre 13 de la cinquième partie. Enregistré par Nadine Ekerd-Boulet à Copenhague en février 2011. Chapitre 14 de la cinquième partie, Jalousie contre amour, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 14. Profitons de la distance qui sépare encore notre fugitif de la Côte des Neiges pour entrer chez M. Jobinet, où il doit trouver un asile, et faire connaissance avec ce personnage. M. Jobinet est français d'origine. Il réside au Canada depuis une quarantaine d'années, y a fait une belle fortune dans le commerce des chevaux, et jouit en ce moment de 12 lustres bien sonnés. Nul symptôme de caducité n'accompagne sa vieillesse, riche de verdeur, de force et d'élasticité. M. Jobinet, dans ses rapports de maquignonnage avec les Yankees, s'est pénétré de l'excellence des institutions libérales. Aussi le cite-t-on, à 10 000 à la ronde, comme un homme de progrès. Mais M. Jobinet possède de bons lots de terre au soleil, 3 maisons à la ville, 1 à la campagne, des louis d'or en veux-tu en v'là, et personne ne s'avise de contrecarrer M. Jobinet. « Quand on est gréé comme lui, disent les habitants, on n'a pas le droit de prendre le vent qu'on veut. » M. Jobinet avait été le fournisseur de Pierre Morlaix. Carillon, la brune, ces incomparables bêtes, dont le souvenir arrachait encore des larmes aux yeux du charretier, était sorti du haras de M. Jobinet. Pas besoin d'ajouter, après cela, que Pierre avait pour le sudit M. Jobinet une estime mêlée de vénération et de respect. Les deux célibataires, car M. Jobinet était demeuré fidèle à Saint-Nicolas, en dépit de toutes les séductions, vidaient quelques flacons de vieux vin français, chaque fois que des affaires appelaient Pierre Morlaix à la Côte des Neiges. Leur attachement réciproque avait cru en raison de la somme d'expansion que leur avait procurée la bouteille. Un jour, M. Jobinet s'aperçut qu'il était trop seul. Il pria son ami Pierre de vouloir bien lui confier Angèle, jeune fille que le charretier avait adoptée. Mais celui-ci secoua la tête. « Voyez-vous, monsieur, » dit-il, « n'était que moi, je consentirai, mais Angèle refusera. L'enfant est fier, ah, dame ! Amène-la-moi, je la déciderai. » Morlaix amena Angèle le lendemain. L'ex-maquignon lui soumit ses propositions. « Demeurez avec moi, mademoiselle. Je vous traiterai comme j'aurais traité ma pauvre fille si j'en avais eu une. » Me voici vieux, hé hé, la mort approche, je suis sans héritier direct, etc. Ces tentatives furent infructueuses. Angèle ne voulait rien devoir à personne. Elle rejeta poliment les offres brillantes de M. Jobinet. Tout ce qu'il put obtenir d'elle, c'est qu'elle viendrait chaque dimanche s'ennuyer, ce fut son expression, auprès de lui. Angèle tint parole, et au lieu de s'ennuyer avec l'ancien marchand de chevaux, elle trouva tant de charme dans sa conversation qu'elle lui renouvela scrupuleusement ses visites chaque semaine. M. Jobinet avait reçu une éducation passable dans sa jeunesse. Plus tard, il avait roulé sa bosse sur 3 parties du monde. À défaut d'érudition, il était doué d'une mémoire heureuse, d'un jugement sain, et avait largement profité de ses voyages pour étudier les hommes et les choses. Quelques grains de sel, dont il savait, à propos, assaisonner ses récits, en relevaient la saveur et soutenaient l'attention de ses auditeurs. La fréquentation du bon vieillard profita beaucoup à Angèle, et M. Jobinet ne tarda guère à concevoir, pour l'adorable jeune fille, cette tendresse idolâtre que les gens âgés conçoivent habituellement pour les derniers fruits de leur sénilité ou pour ceux qui parviennent à ranimer la flamme agonisante de leur sensibilité. Alors il supplia notre ami de renoncer à ses travaux manuels et de prendre part aux richesses qu'il avait amassées. Il essaya de faire jouer en elle les ressorts de la coquetterie, de la vanité, les deux mobiles principaux des femmes. Tout fut inutile. Il dut s'incliner devant l'obstination de la jeune fille. Mais, désireux de lui épargner de la peine, quoi qu'il lui en coûtât, au moyen d'un tiers, M. Jobinet commanda à Angèle divers ouvrages de couture, qu'il lui paya fort cher et revendit ensuite à vil prix. Cette délicate supercherie eut l'effet qu'il en attendait. Au lieu de végéter, comme la plupart de ses compagnes qui gagnent difficilement assez pour subvenir aux frais de leur entretien, Angèle vivait dans une abondance presque luxurieuse. Fin du chapitre 14 de la cinquième partie. Enregistré par Nadine Ekerd-Boulet à Copenhague en février 2011. Chapitre 15 de la cinquième partie, Jalousie contre amour, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 15. Maintenant que nous avons esquissé les relations de quelques-uns de nos personnages avec M. Jobinet, retournons à la calèche qui arrive au village de la Côte des Neiges. L'aurore se levait derrière un rideau de lourds nuages noirs, et quelques grosses gouttes de pluie commençaient à tomber. Angèle dirigea la grise dans une étroite allée encaissée entre des haies d'aubépine et, bientôt, longea une clôture formée par d'épais buissons artistement taillés. Derrière la clôture, on apercevait un vaste jardin potager borné au sud par une charmante maison de campagne. « Attendez une minute, » dit la jeune fille en arrêtant près de la porte de la clôture. Elle sauta à terre, ouvrit la porte simplement fermée par un lien d'osier et s'avança vers une fenêtre de l'habitation. Au moment où elle atteignait cette fenêtre, elle s'ouvrit et un homme montra sa tête. « Comment est-ce possible, vous, mon enfant ?»« Monsieur Jobinet, j'ai un service à vous demander. »« Entrez, alors. » »« Non. » Et la jeune fille se hâta de raconter les aventures de son protégé. « C'est grave, » dit Monsieur Jobinet. « Mais il n'y a pas à hésiter. Les domestiques ne sont pas encore debout. Nous le déposerons provisoirement dans la chambre bleue. Elle donne sur le jardin. On le passera par la croisée. Dans la journée, j'aviserai. Bien, allons le chercher. » M. Jobinet sortit immédiatement. Au bout de 5 minutes, Alphonse Maigret fut établi dans la chambre bleue, sur un lit de camp qu'Angèle s'était empressée de lui dresser. « À présent, dit le vieillard à la jeune fille, je vais vous reconduire, afin de détruire les soupçons que pourrait faire naître votre venue ici, et donner des ordres pour que M. Maigret ne soit pas troublé durant mon absence. » Ils montèrent en voiture et reprirent le chemin de Montréal. Comme ils touchaient à la lisière du bois, près de Mile End, la grise fit un faux pas et l'animal s'affaissa sur les jarrets. M. Jobinet descendit pour aider le cheval à se relever. Mais, en se baissant, il remarqua que le sol était violemment foulé et couvert de traces rouges qui partaient d'une mare de sang dans laquelle la grise avait glissé et s'étendait jusqu'au fourré. « Que signifie cela ? » s'écria-t-il. « Qu'est-ce ? » s'enquit Angèle en se penchant sur le rebord de la calèche. « Oh ! » fit-elle avec un geste d'horreur. « Du sang ! Ces coups de pistolet ! » !»« Que dites-vous ? » « Ah ! Je ne vous ai pas encore appris ?»« Une carte ! » interrompit M. Jobinet. « Mais elle est déchirée. » Et il tenait à la main un morceau de carton glacé sur lequel on lisait la moitié d'un nom. « Montrez, » dit Angèle. « Voici, mon enfant, » dit le vieillard, en lui présentant l'objet tout maculé de boue et de sang. « Madame et Monsieur Bourque. » « Un crime ? » balbutia la jeune fille. Fin du chapitre 15 de la cinquième partie. Enregistré par Nadine Ekerd-Boulet à Copenhague en février 2011. Chapitre 1 de la sixième partie, une histoire sanglante, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 1. Il est 10 heures du soir environ. La pluie tombe à torrents. Des éclairs blafards déchirent le manteau des astres. Les roulements du tonnerre remplissent l'espace de sons sourds et caverneux, et le Saint-Laurent, mêlant sa voix à celle de la tempête, déferle bruyamment ses lames moutonneuses contre les jetées du rivage. Les quais de Montréal sont déserts. Les nombreuses tavernes de la rue des Commissaires et de la rue de la Commune, closes pour la plupart. Seuls quelques rares fanaux, élevés sur la grève, guident la marche des navires attardés. La nuit est plus noire que l'aile du corbeau, plus affreuse qu'une légende allemande. Vous entendez le craquement des vaisseaux, qui s'entrechoquent, le grincement de leurs chaînes, le sifflement des rafales dans leurs agrès, et, par-dessus tout, le grondement rauque et formidable des éléments en furie. Batelier, prends garde à ton esquif. Passant, prends garde à ta bourse. Amis, hâtez-vous de rentrer au logis, car la ruine, la désolation, la mort planent de toute leur envergure sur la ville de Montréal. Voyez, de l'ouragan c'est le cours furieux. Terrible, il prend son vol, et dans des flots de poudre, part, conduisant la nuit, la tempête et la foudre. Fin du chapitre 1 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 2 de la sixième partie, une histoire sanglante, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2. Silence, écoutons. Over the glad waters of the dark blue sea, our thoughts as boundless and our souls as free, far as the breeze can bear, the billows foam, survey our empire, and behold our home. These are our realms, no limits to their sway, our flag the sceptre, who all meet obey, ours the wild life in tumult still to range, from toil to rest, and joy in every change. Des applaudissements frénétiques accueillent ces paroles lancées comme un défi à la fureur de la nature. Qui ose porter cet insolent cartel? Paix. Le chant continue. Oh, who can tell, not thou luxurious slave, whose soul would sicken over the heaving wave, not thou, vain lord of wantonness and case, whom slumber soothes not pleasure cannot please. Oh, who can tell, save he whose heart hath tried and danced in triumph o'er the waters wide, the exulting sense, the pulse's maddening play, that thrills the wanderer of that trackless way. Note. Voici la traduction aussi littérale que possible de ce morceau. Sur fond joyeuse de la mer azurée, sans bornes comme notre esprit et nos âmes, aussi loin que peut souffler la brise, et que la vague écumante peut mugir, contemplez notre empire, voyez notre demeure. C'est là qu'est notre royaume, sa domination n'a pas de limite. Notre sceptre est le drapeau auquel tous doivent obéir. Notre vie errante est de toujours passer du travail au repos, que la joie accompagne à chaque changement. Oh, qui peut le dire? Ce n'est pas toi, esclave de la luxure, toi dont l'âme tremble à l'aspect de la vague qui s'élance, ni toi, seigneur vaniteux, adonné au libertinage et à la paresse, toi que le sommeil ne calme pas. Oh, qui peut le dire? Si ce n'est celui qui l'a essayé, qui a été bercé en triomphe sur l'immense sein des mers, qui a senti cette émotion enivrante, cette pulsation accélérée qui fait battre le cœur du voyageur qui sillonne les eaux sans laisser de traces. Fin de la note. Les applaudissements redoublent, et la nuit est toujours aussi noire que l'aile d'un corbeau, plus affreuse qu'une légende allemande. Vous entendez le craquement des vaisseaux qui s'entrechoquent, le grincement de leurs chaînes, le sifflement des rafales dans leurs agrès, et, par-dessus tout, le grondement rauque et formidable des éléments en furie. Fin du chapitre 2 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 3 de la sixième partie, une histoire sanglante, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 3. Pénétrons dans une taverne située à l'extrémité ouest de la rue de la Commune. C'est de là qu'est parti le chant dont nous venons de reproduire quelques vers. La bar est inoccupée pour le moment, mais dans une petite salle attenante, nous trouverons trois individus en train de boire, fumer, causer, chanter. Ces trois individus sont ivres. On s'en aperçoit à leur contenance, à leurs cris, à leur conversation, et surtout à deux bouteilles de whisky, vides à côté d'eux. L'un répond au nom de Mike ou Michael, indifféremment. Nous le connaissons. C'est un homme de haute taille, sec comme un échalas. Il a le teint lit de vin, les yeux vifs, clignotant sous des sourcils roux, épais. Le nez crochu comme le bec d'un oiseau de proie. La bouche démesurément fendue. Les bras longs, les doigts osseux, cuirassé d'un enduit de poussière et de crasse, lequel, pour être enlevé, exigerait l'excoriation de l'épiderme, et, enfin, il porte l'accoutrement le plus multipièce, le plus misérable qu'il soit possible d'imaginer. Ses compagnons ne lui cèdent pas un point, en laideur et en malpropreté physique. Hâtons-nous cependant d'ajouter, pour l'acquis de notre conscience, que Mike est leur maître en laideur et en malpropreté morale. Mais, comme disait l'Irlandais, chacun a ses défauts et ses qualités. N'est pas honnête homme qui veut bien, et, mourir pour mourir, autant vaut se pâmer au bout d'une corde que de râler sa dernière heure sur un lit de plumes. Décidément, Mike était un philosophe de l'école des optimistes, et certes, il ne manquait qu'un peu d'érudition pour composer son épitaphe comme Feu Villon ou pour disserter sur l'excellence de ce monde comme le brave docteur Pangloss. Fin du chapitre 3 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 4 de la sixième partie, une histoire sanglante, de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 4. Oui, barkeeper. Note, garçon. Fin de la note. « Une bouteille !» cria tout à coup l'un des trois hommes. « Baste, il est sourd !» dit un autre. « Va chercher la bouteille, nous nous servirons nous-mêmes. »« J'approuve, » appuya Mike. « Mais, mille sabords, changeons de système. Je veux du punch, faisons du punch. C'est moi qui paie, allons. »« Chante-nous quelque chose, » reprit le premier interlocuteur, en déposant sur la table les objets nécessaires pour préparer le punch. « Oui, chante-nous le chant du corsaire, » dit le second. Et l'Irlandais d'un son puissant, quoique éraillé, entonna l'hymne dont nous avons cité des fragments plus haut. Ses convives ne l'interrompaient que pour pousser des hurrahs furibonds ou porter le verre à leurs lèvres. « C'est superbe ! Magnifique ! À la santé de Mike ! À la vôtre ! Où as-tu appris cela, chum ?» Note, camarade. Fin de la note. Ça ? Ah, vous voulez savoir où j'ai appris ça, mes pigeons ? Dis-le-nous. 1000 millions d'écubiers, où j'ai appris ça ? Hé, où apprend-on de pareilles chansons ? En mer et pas sur le plancher des vaches. Hé, hé, c'est que j'ai été matelot, moi. Pas marinier d'eau douce comme vous autres, gens de cage. Note, train de bois flotté. Fin de la note. Bon, tout au plus, à manœuvrer des perches ou des guenilles de toile, grande comme l'aile d'un goéland. Fais pas tant tes embarras. Mes embarras? Qui est-ce qui prétend que je fais mes embarras? Est-ce que je n'ai pas servi à bord du corbeau, moi? Le corbeau? Oui, le corbeau. Une corvette de plus de 20 canons, rien que ça, et des mâts, fallait voir, et des voiles larges comme la place d'armes, ni plus ni moins. Parlez-moi d'un bijou de navire comme celui-là. Ça vous filait ses 16 000 à l'heure. Et quand ça se mettait en colère? Eh bien? Ah, ah, quand le corbeau se mettait en colère, mes agneaux, en se pinçant le nez d'un air narquois, quand le corbeau se mettait en colère, ah, dame, Malheur à qui se trouvait à portée de sa griffe! Le capitaine Larençon n'y allait pas de main morte. Le capitaine Larençon? Oui, le commandant du corbeau, que j'ai, par parenthèse, dépêché vers le diable. Fier homme autrefois, mais... Mais? Il m'avait joué des tours, et, ma foi, j'ai dû éviter une peine au bourreau. Buvons! Fin du chapitre 4 de la 6e partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 5 de la 6e partie, une histoire sanglante, de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5. Donc, dit l'Irlandais, à qui l'ivresse déliait la langue, donc le capitaine Larençon était un dur à cuire dans son temps. Un jour, il me condamna à 1 mois de fer, pour une bagatelle. Et, ma foi, je n'avais jamais bien digéré ce boulet-là. Voilà que nous venions de capturer un brick, chargé de Jamaïque. Je me trouve de quart. Il faisait noir, comme dans la gueule d'un four, et froid. C'était sur les côtes de Saint-Jean, c'est tout dire. Voilà que je me dis, « Mike, tu dois avoir soif. Et voilà des barriques qui ne demanderaient pas mieux que de t'aider à passer ton quart. Mais le capitaine qui a défendu de se rafraîchir avant demain, le capitaine, bast, il n'y verra que du feu, le capitaine. Sur ce, je m'approche galamment d'une barrique, fais sauter doucement la bonde, coupe un morceau de la jambe de mon pantalon et plonge le dit morceau dans le liquide embaumé. Vous comprenez, je m'en suis repassé à gogo. Par malheur, j'oubliais de refermer la barrique pour faire un somme à côté. Le lendemain, nom d'une écoutille, je m'éveille dans la cale en tête à tête avec une populeuse colonie de rats. Drôle, dit un des buveurs. Oui, très drôle, ajouta l'autre. Donc, poursuivit Mike, donc je me suis mis en tête de faire des miennes, ou plutôt d'en faire à notre capitaine Larençon. J'avais sa cale sur la conscience. Je fis ma punition. C'était dur, mais j'avais mangé de la racine de patience. Ça m'est souvent arrivé, de manger de ce végétal. 1000 écoutilles. On n'est pas matelot pour sucer des pruneaux du soir au matin, ou réciproquement, vice-versa, comme disait le capitaine, à votre aise. Or, voilà-t-il pas que notre commandant m'avait pris en affection. Oh, mais une affection comme on en voit peu. Une affection... Enfin, il ne m'appelait plus que son très cher Mike, le vieux caïman. Histoire de m'amorcer, vous comprenez? Donc, nous étions au mieux. Mon bon Mike par-ci, mon excellent Mike par-là, et moi qui vous lui en gardais une... soignée. J'ai toujours eu l'estomac rebelle à certains mets. Mais, ma foi, je m'étais laissé séduire. Oui. Tel que vous me voyez, j'étais comme le chien couchant du capitaine Larençon. Brigand de capitaine, va. Il l'a payé cher. Hé hé. Verse-moi un verre du punch, John. L'individu apostrophé s'empressa d'obéir. Allons, à la santé de la Camarde, dit l'Irlandais, en élevant son verre, plein jusqu'au bord. La Camarde, qu'est-ce que cela? La Camarde, oh, rien. Une vieille histoire. Une femme, la Camarde, il y a une quarantaine d'années. On le disait du moins de mon temps. Qu'est-elle devenue? Demanda John en suant sang et eau pour allumer sa pipe qu'il avait oublié de bourrer. La Camarde, fit le dernier membre du trio, fermant à demi les yeux et se renversant sur le dossier de sa chaise, comme un homme qui veut retrouver la mémoire en isolant son attention des objets extérieurs. Oui, la Camarde, hé, hey, tu l'as connue, le cageux, reprit Mike. Combien y a-t-il de temps que tu habites le pays? Le pays, répéta le personnage interpellé sous le nom de l'cageux. Le pays? Bien 20 ans pour le moins. 20 ans, 20 ans, murmura Michael, dont l'ivresse commençait à embarrasser l'esprit. 20 ans. Bateau 20 ans. Ça s'est vu. 20 ans. Dis-tu pas qu'il y a 20 ans que tu broutes les prairies coloniales, hein, l'cageux? 20 ans. Répéta celui-ci flegmatiquement. Oui, à présent, j'en suis bien sûr. Ça me paraît clair comme de l'eau de roche. Il y a 20 ans que je suis venu au Canada, sur le Saint-Laurent. C'était en 1800. 10 et 10 font 20, ton raisonnement me semble juste, répondit l'Irlandais. Très juste, appuya le cageux. Oui, c'est bien ça, 10 et 10 font 20. Je suis venu au Canada en 1800. Mais qu'a donc John avec son brûle-gueule? Mon brûle-gueule, il ne veut pas fumer, le brigand, croiriez-vous ça? Eh, par l'encre de miséricorde, emplis-le de tabac et ne t'échine pas à aspirer de l'air échauffé. Mais, imbécile, ne t'aperçois-tu pas que le fourneau de ta pipe est, en ce moment, aussi vide que ta poche? Tiens, c'est ma foi vrai, dit John après s'être assuré du fait. Or ça, continua Mike, dont le jugement était complètement englouti sous les nombreuses libations alcooliques qu'il avait offertes à son gosier. Or ça, je m'en vais, Chums, vous conter une histoire. Une histoire, répliqua le cageux. Bah, ça endort, les histoires. Moi, j'aimerais mieux des chansons, la Marseillaise, par exemple. Tu dis? S'écria John, qui était parvenu à allumer sa pipe. De par tous les sabords du corbeau, il parle de la Marseillaise, répartit Michael. La Marseillaise! Ah oui, une fière chanson! Faut entendre le français la chanter. Là-bas, en mer, c'était en la chantant, la Marseillaise, qu'il vous courait à l'abordage. La Marseillaise, ah! Mais je la sais, je me la rappelle, moi. Attendez un peu. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Comprends pas, dit John. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Quand je te dis que je comprends pas. Pas moins certain que c'est joliment joli, dit le cageux. Celui qui vous a fabriqué cet air-là n'était pas manchot. Ça ne vaut pas mon histoire, reprit Mike. Voulez-vous que je vous la conte, mon histoire? Ça nous fera passer le temps. Marche. Auparavant, rinçons-nous l'entrepont, dit Mike en se versant une rasade. L'entrepont, dit John avec surprise. L'entrepont, qu'est-ce que c'est que ça, l'entrepont? Imbécile, proféra le cageux. By God! S'écria John, saisissant une bouteille par le goulot, d'un air courroucé. Vlan! Dit le Canadien, qui saisit une autre bouteille et la lança à la face de son compagnon. Attrape! Riposta aussitôt l'autre avec un mouvement semblable. Les deux projectiles lâchés simultanément dans des directions diamétralement opposées se rencontrèrent au milieu de leur parcours et, brisés par la violence du choc, s'éparpillèrent en morceaux sur la table. C'est bête, ça! Dit l'Irlandais, remarquant que quelques éclats de verre étaient tombés dans le vase qui contenait le punch au rhum. Bête! Qu'est-ce qui dit que c'est bête? Hurla John. Moi! Répondit l'Irlandais, sans perdre son sang-froid. Oui, je dis que c'est bête. Le cageux et toi, vous n'avez pas le sens commun. Voilà, pour le moins, une bouteille de punch perdue. Si c'est pas... Au diable! Interrompit John, emporté par une sorte de délire et empoignant en même temps une autre bouteille. Eh, eh, ça va se gâter, dit imperturbablement l'Irlandais. S'il a le malheur de bouger, commença le cageux. Il s'en gardera bien, reprit Mike. Et il sortit de sa poche un long couteau poignard dont il s'amusa à brunir la lame sur le revers de sa main. « Lâche ! » râla John, d'une voix étranglée par la rage. « Possible, possible !» dit l'Irlandais, examinant la pointe affilée de son arme au rayon douteux de la chandelle qui éclairait cette scène. « Lâche ! Oui, vous êtes des lâches !» réitéra John. « Deux contre un, lâche !» !»« Laisse, Mike !» dit le cageux. « Je me charge de lui refroidir le sang à moi tout seul. Ah, il s'imagine !» En disant ces mots, notre homme s'était levé et se préparait sans doute à fondre sur son adversaire. Mais avant qu'il eût eu le loisir d'exécuter son dessein, et même d'achever sa phrase, la bouteille que John serrait entre ses doigts crispés, dardée avec violence, venait l'atteindre au front. Fin du chapitre 5 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 6 de la sixième partie, une histoire sanglante, de La fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 6. Heureusement pour lui, le cageux avait la felle couverte d'une épaisse chevelure dont les mèches drues et plantureuses tombaient jusque sur ses yeux. Aussi le cou, affaibli par cette sorte de casque capillaire, ne lui causa d'autre mal qu'un étourdissement passager. Cependant la scène menaçait de devenir sérieusement dramatique lorsqu'un quatrième personnage entra dans le cabinet où se tenaient Mike et ses deux compagnons. Ah, ça ! S'écria le nouveau venu, avec un air de mauvaise humeur prononcé. « J'espère que vous allez me cesser ce tapage-là, ou je vous envoie tous vous rafraîchir au Saint-Laurent. Voudriez-vous pas que la police... »« Chut, chut !» dit Mike. « Voilà un mot qui a le privilège de me déchirer les oreilles en 45 parties inégales. Bateau !»« Bas les couteaux, bas les couteaux !» enjoignit le barkeeper, remarquant en ce moment John et le cageux, qui, armés chacun d'un poignard, se disposaient à s'écharper pour la plus grande gloire de leur ébriété respective. « Laisse donc ces enfants se divertir un brin, Stephen, » dit l'Irlandais, en s'adressant au cabaretier. « Attends, tu vas voir, » répondit celui-ci, sortant de sa poche une paire de pistolets et se jetant entre les deux adversaires qui, la chevelure ébouriffée, les prunelles ardentes, les narines frémissantes, le corps demi-tendu, semblait mesurer l'intervalle qui les séparait. « Si l'un de vous fait un mouvement, » dit Stephen, « je lui fais sauter la cervelle comme à un chien. »« Bateau, j'aimerais être témoin du fait, » dit Mike, qui était flegmatiquement resté assis et continuait de polir la lame de son couteau. « Arrière !» dit tout à coup le cageux, essayant d'écarter Stephen pour se précipiter sur John. « Arrière toi-même !» répondit le cabaretier. « Arrière ou je fais feu !» Durant ce colloque, John avait pris le bon parti. Il s'était prudemment esquivé. « Offre gredin !» dit soudain l'Irlandais, s'apercevant le premier de cette brusque retraite. « Il a décampé. En place, repos !»« Oh, il me le paiera !» mâchonna le cageux entre ses dents. « Bateau !» dit Mike. « Il l'a échappé belle. Sans toi, Stephen, je crois que ce brave cageux... »« Est-ce terminé ?» interrompit le barkeeper. « Ça m'en a l'air !» « Non, non, non !» maugréait le cageux, en déchiquetant la table avec son couteau. « Non, ce n'est pas terminé. Non, je le retrouverai. »« Admis, » fit Mike. « Mais, pour le quart d'heure, revenons à ma proposition et lavons-nous l'entrepont. Qu'en penses-tu, Stephen ?»« Je pense, » dit le cabaretier, d'un ton maussade, « que vos dépenses s'élèvent déjà à plus de $2 et que vous ne m'avez pas encore montré la couleur de vos piastres. »« Peu !» siffla l'Irlandais du bout des lèvres. « Soldez-moi !»« Vieux ladre, va ! Tu ne sais donc pas que je porte une cargaison de louis, que je suis lesté d'or ? Tiens, regarde ! Brûle-toi les écubiers au rayon de ce métal ! Mais défense à tes vilaines pattes d'y toucher ! Sinon... » Disant ces mots, Mike déployait complaisamment sur la table un chiffon sale et crasseux qui renfermait une centaine de souverains en or. Fin du chapitre 6 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 7 de la sixième partie. Une histoire sanglante. De la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 7. Oh ! Exclama le cageux, dont la colère à l'aspect de ce trésor tomba comme par enchantement. « Oh, est-il bien possible qu'il y ait tant de richesses que ça sur la terre ?»« Par le corbeau !» dit Mike. « J'en ai eu bien d'autres en ma possession. » Cédant à une cupidité habituelle, le barkeeper glissait ses doigts velus et crochus entre les bouteilles pour happer quelques-uns des jaunets tentateurs, mais l'Irlandais avait l'œil sur lui. « Stop ! » s'écria-t-il, en lui appliquant avec le manche de son poignard un coup sur les ongles. Stephen retira vivement sa main, en grondant quelques jurons inintelligibles. « Tiens, » dit Mike, « je ne suis pas avare, moi, quand les provisions abondent dans la cale. Voici une guinée, apporte-nous à boire et garde le reste pour toi. » Et il fit rouler une pièce d'or vers le cabaretier, qui empocha avidement cette aubaine inattendue. Le cageux contemplait toujours le monceau d'or avec plus d'émerveillement que de convoitise. « Toi aussi, mon pauvre vieux, tu veux ta part ?» reprit l'Irlandais, en veine de prodigalité. « Puise dans le tas, ça ne me coûte pas cher. » Soit qu'il n'eût pas entendu cette offre magnanime, soit qu'il ne crût pas à un tel accès de générosité, le cageux ne s'empressa aucunement d'obéir. « Bost, est-il bête ?» s'écria Michael, riant et haussant les épaules. « Approche ta casquette, Nigo. Ne crains rien. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, comme dit l'autre. » Que d'argent, que d'argent !» murmurait l'cageux. « Oh, l'animal qui prend ça pour de l'argent! Mais c'est de l'or, du vrai or! Tout ce qu'il y a de plus or! Touche donc, pèse donc, bête brute !» Et, ramassant une poignée de louis, il les déposa dans la main de son camarade. Fin du chapitre 7 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 8 de la sixième partie, une histoire sanglante, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 8. Stephen rentrait à cet instant, muni de deux bouteilles aux goulots ornés d'une couronne de plomb. Le visage de l'hôtelier était soucieux, quoique éclairé par un sourire de jubilation. Évidemment, il ruminait quelques tours de passe-passe pour dépouiller Mike. Mais l'Irlandais avait trop fêté l'extrait d'orge et de canne à sucre pour soupçonner les intentions rapaces de Stephen. Du reste, les eût-il pressenti qu'il s'en serait moqué, car, en fait de ruse et de vigueur, Mike ne connaissait pas son maître dans tout le district de Montréal. Il se contenta de rassembler les quatre coins de la guenille qui lui servait de bourse, de les lier ensemble et d'enfoncer le tout dans les profondeurs de son capot. « C'est bien le cas de répéter que la fortune est aveugle, » dit-il, d'un ton burlesque. « Quand je me souviens qu'autrefois nous jouions au palais avec des lingots d'or... Oui, c'était sur le pont du Corbeau. 1 000 000 000 de tonnerres ! En a-t-il vu, en a-t-il vu, en a-t-il senti de cet or ? Quand je vous dirai qu'un jour, étant à court de munitions, nous avons mitraillé une frégate à coups de biscayens d'or, plus que ça de genre, hein ? Fallait voir comme l'ennemi était étonné. Et le capitaine Larençon, comme il était joyeux, jamais je ne le vis plus gai. Au moins, celle-là pourra se vanter que nous ne lésinons pas, disait-il au chef de timonerie en lui montrant la frégate. Dieu de Dieu, nous achetons cher ses faveurs. Diable de capitaine, va, il avait toujours le mot pour rire. Quand je songe, ça me reproche. Enfin. Oh, hé, buvons. Qu'est-ce que tu manipules là, Stephen ? Du champagne, répondit le cabaretier, élevant triomphalement les deux bouteilles au-dessus de sa tête. Du champagne ? Dit le cageux, au comble de la stupéfaction. Fin du chapitre 8 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 9 de la sixième partie, une histoire sanglante, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 9. « Du champagne !» dit Mike. « Débouche ! Stephen, débouche, mon brave ! J'en ai diantrement lampé dans mon temps, nom d'une garcette !»« Comme ça saute !» s'écria le cageux, surpris de l'explosion qui suivit la rupture des fils de fer. « C'est qu'il est fameux !» répartit le cabaretier, remplissant les verres du liquide pétillant. « À la nôtre !»« À la nôtre !»« C'est fichtrement bon !» dit le cageux, après avoir ingurgité une rasade. « Où ça se fabrique-t-il, ce vin-là »« En Champagne, niais, » répliqua Stephen, d'un ton capable. « Et où ce que c'est, ça, la Champagne ?»« Hé, hé, est-il bête, le cageux ? La Champagne, pardi, c'est en Champagne. »« En effet, la Champagne. »« Est en Champagne ?» intervint l'Irlandais. « Vous êtes fort sur la géographie comme des marsouins sur le calcul. Mais savez-vous dans quelle partie du monde se loge la Champagne ?»« Dans les Grandes Indes. » répondit glorieusement Stephen. « Psut !»« Tu m'en montreras peut-être, toi, monsieur le savant. »« Un peu, » dit Mike, allumant sa pipe. « J'ai voyagé, moi. On ne fait pas le tour du monde sans connaître sa carte. »« C'est vrai, » appuya le cageux. « Mike a eu des aventures. Il a été marin, lui. »« Oui, troume de l'air, comme disait le capitaine Larençon, un commandant huppé, mais... »« Mais ?»« Dame, il avait ses défauts, puis... » Puis, nous avions fini par ne plus nous entendre du tout. « Ah ah ! » fit l'hôtelier, qui s'ingéniait à augmenter l'ivresse de ses pratiques. « Conte-nous ça. »« Oh, c'est une longue histoire. »« N'importe, ça nous aidera à vider quelques bouteilles. » Est-ce que la cave contient encore beaucoup de flacons comme celui-ci ? Plus que tu en boirais en une semaine. C'est que, vois-tu, j'ai une soif d'enfer, tout comme si j'avais mangé une demi-livre de poudre. Allons, renouvelons la dose et tu dévideras ton écheveau, n'est-ce pas ? Ça va, s'écria Michael. Ah, oh, j'en ai vu et j'en ai fait dans ma vie, moi qui vous parle. Bateau ! Quelle kyrielle de péché il me faudra bredouiller au jour du grand jugement ! Les verres furent remplis et sablés trois fois successives. Puis l'Irlandais, d'une voix avinée, commença le récit suivant, souvent entrecoupé de blasphèmes et de hoquets. Fin du chapitre 9 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 10 de la sixième partie. Une histoire sanglante de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 10. Il y a 60 ans et plus, je naquis dans un village quelconque de l'Irlande. Le nom de mon père et de ma mère n'ont jamais, que je sache, figuré sur les registres de l'église ou de la mairie. Je ne me suis jamais, non plus, donné la peine de chercher à pénétrer ce mystère. En souvenir unique de mon enfance, je me rappelle les coups de poing de celui-ci, les coups de pied de celui-là. Sans doute, j'étais venu au monde sous une mauvaise étoile. Mais, comme disent les Mahométans, Allah est grand, nul ne peut échapper à sa destinée. À 10 ans, je servais en qualité de mousse à bord d'un caboteur. Là aussi, poings et pieds ne me ménageaient guère. Par bonheur, les auteurs inconnus de ma personne m'avaient doué d'une enveloppe solide et d'un cœur de bronze. Certains soirs, un corsaire jeta sur nous le grappin d'abordage. Le patron et les 4 hommes qui montaient le caboteur fournirent ce soir-là copieux régal aux requins. Et probablement, j'aurais partagé le sort de mes maîtres sans un jeune garçon qui supplia le capitaine du corsaire de me laisser la vie sauve. Le navire qui nous avait capturés s'appelait le Corbeau. C'était bien le plus fin voilier qui jamais eût sillonné les mers. Là, encore tempête de coups de poing et ouragan de coups de pied m'assaillirent plus fréquemment que je ne l'aurais voulu. Mais on m'avait appris que la souffrance est notre lot ici-bas. Je me résignai. Du reste, si le service était rude à bord du Corbeau, nous avions parfois du bon temps. Grâce à mon protecteur, pour qui notre commandant avait une affection toute particulière, j'étais, à quelques orions près, moins molesté que les autres mousses, mes collègues. Les rations de rhum et d'eau-de-vie, les bouteilles de vin des îles même, ne m'étaient point épargnées. Bref, je jouissais comme le poisson dans l'eau. Ça m'allait, cette existence, que voulez-vous ? Aujourd'hui une tourmente, demain un combat, aujourd'hui l'abondance, demain la disette. Aujourd'hui des larmes, des prières, demain du sang, du feu, d'effroyables orgies. Ma foi, j'aimais déjà les émotions. Toutes ces vicissitudes, le fouet, la bastonnade compris, me charmaient plus que je ne saurais dire. 10 années s'écoulèrent, j'étais devenu matelot. Dans une rencontre avec notre corvette de guerre, notre capitaine fut tué. Mon protecteur, Louis Larançon, prit aussitôt le commandement du Corbeau. Fin du chapitre 10 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 11 de la sixième partie. Une histoire sanglante de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 11. Quel homme c'était que le capitaine Larançon mit le sabord! Dur, implacable, mais habile, mais courageux. Un jour, il y eut une révolte à bord. Il arrive sur le pont, sans armes. « À mort, à mort !» crient tous les marinas en se ruant sur lui. Sa vie était en danger, je me précipitai entre lui et les assaillants. « Retire-toi, Mike, » me dit-il. « Je veux donner une leçon à cette bande d'imbéciles. »« Non, » répondis-je, « ils vous tueront. » Mais il me repousse vigoureusement, et, se dirigeant vers le couronnement où se tenaient les conjurés, « Tas de lâches !» leur dit-il. « Que désirez-vous » « À mort ! À mort !» hurlait-on de toutes parts. À mort, répéta-t-il. Y en a-t-il quatre parmi vous qui oseraient lutter avec moi sans armes, comme je le suis? Et, en prononçant ces mots, il saisit par le milieu du corps un matelot qui se trouvait près de lui et le lança à la mer, comme il aurait fait d'un boulet de huit, quoi. Les mutins continuent leur vocifération. Un autre matelot va rejoindre le premier, ensuite un troisième, un quatrième. Enfin, tout l'équipage y aurait passé. Ah, je vous le jure, si les corsaires intimidés n'eussent demandé merci. Quel homme que c'était que le capitaine Larançon! Son nom et celui du corbeau donnaient la chair de poule au plus vieux loup de mer. Il n'y avait pas un port de la Méditerranée à l'Atlantique et de l'Atlantique au Pacifique où nous ne fussions redoutés comme la peste. Mais c'était sur les côtes du Saint-Laurent, surtout, qu'on avait peur du corbeau. Depuis Montréal jusqu'à Gaspé, il était l'épouvantail des habitants et des navigateurs. Nos têtes avaient été mises à prix. On offrait jusqu'à 20 000 piastres pour celle du capitaine. Oui, par le diable, mais il était plus facile d'achalander que de prendre la tête du capitaine Larançon ou de l'un de ses hardis compagnons. Moi qui vous parle, j'ai senti deux fois la corde sur ma nuque, et deux fois j'ai fait la nique au bourreau. Regardez. En même temps, l'Irlandais dénoua l'écharpe graisseuse qu'il portait en guise de cravate et montra à ses auditeurs une raie bleuâtre dont il avait le col entouré. Fin du chapitre 11 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 12 de la sixième partie. Une histoire sanglante. De la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 12. Où, tonnerre, as-tu attrapé ça? Dit l'cageux en palpant la meurtrissure du bout de ses doigts. Ça, mon neveu, c'est un aimable souvenir de Québec. Un souvenir de Québec? Ou du bourreau de cette ville, si tu aimes mieux, vilaine tête carrée. Du bourreau? Répéta le cageux, trop honnête homme dans le fond pour avoir jamais rien eu à démêler avec Dame Justice. Du bourreau, un imbécile de ta sorte, qui ne savait pas son métier ou le savait trop, au choix. Car figurez-vous que j'ai été pendu, pendu en chair et en os, moi, Michael, surnommé Mike. Blague! Fit Stephen d'un air incrédule. Blague! S'écria l'Irlandais. Qui est-ce qui prétend que je blague? « Baste !» reprit le cabaretier. « Ne voudrais-tu pas nous faire accroire qu'un pendu revient aussi facilement à la vie qu'un ver qu'on a coupé en tronçons ?»« C'est pourtant comme ça, excepté qu'au lieu de me couper le cou, on me l'avait rendu aussi mince qu'un anspect. »« Ah, tonnerre, fallait voir mon physique après l'exécution. J'étais grandi de 6 pouces au moins, et je tirais une langue longue comme la grand-vergue de misaine. Et mes yeux, que le diable m'emporte, s'il ne ressemblait pas au sabord du corbeau. Mais, enfin, ce n'est pas fort aisé à comprendre. Je pense bien, puisque je n'y comprends rien du tout moi-même. Alors? Alors, voilà l'affaire en deux mots. Essayez d'être plus malin que moi, et je vous paie double ration de champagne, 1 000 morts. Nous t'écoutons, dit le barkeeper. Fin du chapitre 12 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 13 de la sixième partie. Une histoire sanglante. De la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 13. Pour lors, nous avions relâché à Québec. Un soir, ce soir-là, je me disputais avec les pavés. J'entre dans une auberge de la rue Champlain. On dansait. La danse m'a toujours séduit, et dans mon temps je sautais sur le plancher des vaches comme un marsouin qui veut attraper des moucherons. Donc, j'entre dans l'auberge. Il y avait là un joueur de cornemuse qui travaillait son instrument comme un enragé, un nègre qui l'accompagnait sur le tambourin, 5 ou 6 matelots, et une 30 douzaine de pécores plus sales et plus laides les unes que les autres. Voilà que je bois un verre de grog, car j'avais une soif de damné, puis que je tourne le cap sur une gigue. « Bon, que me dit un des matelots, si tu continues de courir débordé comme ça, je vais te mettre à l'ancre, moi. »« Arrive, lui répondis-je. Mon homme me tombe sur les épaules. Pif, paf, pouf, nous nous bûchons d'emblée, et, tout à coup, il roule sur le plancher, en beuglant « Je suis mort !» Il avait dit vrai. On m'arrête, on me mène en prison, on me condamne au collier de chanvre, et 8 jours après, je me disposais à aller, le lendemain, présenter mes respects à Milord Satan, quand un individu entra dans mon cachot. C'était le chirurgien du bord, du corbeau, s'entend. Quel homme que ce chirurgien! En a-t-il raccommodé des bras, des jambes, des caboches? Il est trépassé, Dieu va y avoir son âme. Je lui en dois des chandelles. À propos, pendant que j'ai de l'or, il faudra que je lui fasse dire 12 de messes. Si ça ne lui fait pas de bien, ça ne lui fera pas de mal. « Eh bien, mon garçon, tu t'es donc laissé pincer ?» me dit-il. « Pincer ? Vous avez dit le mot, major. Dans 12 heures, le déménagement final. »« Tu es philosophe, Mike. »« C'est le cas de l'être ou jamais. »« Toujours sans souci. Le capitaine te remercie de n'avoir pas révélé à quel navire tu appartenais. »« Dame, major, ça ne m'aurait fait ni chaud ni froid, et une trahison aurait empoisonné mon dernier soupir. Je suis délicat, voyez-vous. »« Brave Mike. » « Il n'y a pas de quoi. Je suis venu pour te sauver. »« Sans plaisanterie, au moins. »« Sans plaisanterie. »« Merci, major, mais que faut-il faire ?»« Te laisser pendre. »« Hein ?»« Oui, te laisser pendre. » »« Singulière façon de me sauver. Mais, en définitive, pendu pour pendu, j'aime autant m'exécuter de bonne grâce. D'ailleurs, j'étais déjà décidé. »« C'est là tout ce que vous avez à me dire ?»« Tu n'as pas confiance en moi ?» Moi, comment donc, major? J'ai toute confiance en vous, potence de sort. Je suis sûr d'être pendu demain à 6 heures du matin. Et d'être ressuscité? Ça, c'est une autre question. Le temps des miracles est joliment loin, hé hé. Ce qui n'empêchera pas d'en faire un en ta faveur, si tu y consens. Pas d'objection, pas d'objection, faites, major. Il me baragouina alors un tas de phrases dans lesquelles je ne voyais que du feu. Et, bref, finit par me percer un petit trou au milieu de la gorge, y introduisit une sorte de tube en argent et me demanda si ça me faisait souffrir. « En tout cas, ça ne me procure pas des jouissances excessives, » répliquai-je. « Mais tu pourras néanmoins marcher jusqu'au lieu du supplice. »« Cette bêtise !»« Bon, maintenant tu peux être certain de vivre aussi longtemps que Mathusalem. »« Je ne le souhaite pas, major. » Là-dessus, il me quitte après quelques recommandations. L'opération avait duré jusqu'à 2 heures du matin. À vrai dire, je ne comptais pas prodigieusement sur le chenot que le major m'avait placé au beau milieu des œuvres vives. Cependant, quand le bourreau vint me chercher, il m'adressa un signe d'intelligence qui me parut de bon augure. « Je voudrais bien un verre de quelque chose avant d'appareiller pour l'autre monde, » lui dis-je. « Je ne vous le conseille pas, » reprit-il en portant la main à son cou. C'était significatif. « En route, nom d'une bombe !»« Ne haussez pas la voix, et même abstenez-vous de parler, » me souffla-t-il à l'oreille. « Pourquoi ça ?»« Pourquoi ? Ça pourrait déranger l'appareil. »« Brigand d'appareil, mais s'il ne réussit pas, je monterai là-haut sans être lesté, car crever sans avoir... »« Marchons. » Parole d'honneur, je me sentais le cœur gros de partir pour l'enfer, l'estomac vide. Néanmoins, j'obéis. On m'a raconté que 20 minutes après cet entretien, je me balançais au bout d'une vergue, comme un drapeau au bout de sa drisse, et que les oiseaux de proie s'apprêtaient, en chantant mes funérailles, à banqueter sur ma carcasse. Quoi qu'il en soit, je me réveillais sur le pont du Corbeau, et voilà. « Mais, dit le cageux, on ne t'avait pas pendu ?»« Pas pendu ? Que si ! Pendu tout ce qu'il y a de plus pendu. Seulement... Lorsque le shérif eut dressé mon procès-verbal constatant mon décès, on me dépendit à la hâte et on me transféra à bord de notre navire, où, grâce aux soins du major, je fus radoubé, ragréé et capable de remettre à la voile dans l'espace d'une semaine. Trouvez-moi aujourd'hui des chirurgiens comme notre major Dupré. Note, cette cure n'a rien d'invraisemblable. Les annales de la médecine offrent plusieurs traits du même genre. On se rappelle encore qu'en 1727, lors des troubles qui eurent lieu en Espagne, un individu, appartenant au parti libéral, fut pendu à Barcelone et sauvé par un chirurgien qui, antérieurement à la strangulation, lui avait pratiqué, près de l'os hyoïde, une incision dans laquelle il avait glissé une petite sonde pour entretenir un courant d'air entre les poumons du condamné et le monde ambiant. Fin de la note. « Buvons à sa santé, » dit Stephen. « Ah, il a dignement mérité un toast, » ajouta Mike. « Ce qui m'étonne, c'est qu'il s'est laissé sombrer, lui qui a tant arraché de chrétiens à la Camarde. » « À sa santé !» cria le cageux. « Cependant, je ne m'explique pas parfaitement. » « Qu'à cela ne tienne !» interrompit brusquement le cabaretier. « Vide ton verre, cela vaudra mieux que de nous assommer avec tes réflexions aussi saugrenues que ta personne. » Fin du chapitre 13. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 14 de la sixième partie, une histoire sanglante, de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 14. Ce dialogue fut suivi d'un intermède, durant lequel le choc des verres succéda au cliquetis des paroles. Mais bientôt le barkeeper fit remarquer que les bouteilles étaient vides. « Va en chercher d'autres, ivrogne, » lui répliqua Mike. « Du reste, apporte ta cave ici, je veux la boire, ta cave, moi, et toi par-dessus le marché. »« Farceur !» ricana Stephen en s'éloignant. « Du même, encore du même, toujours et toujours du même !» lui cria l'Irlandais. « Le champagne était ma liqueur favorite autrefois. Je ne sais pas comment j'ai pu changer de goût. Ah, si ma bourse n'avait pas varié! Mais tout est fragile en ce monde. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Hormis le gin, le whisky et le champagne. Le reste, psit, je m'en soucie comme d'une chaloupe défoncée, étoile cageux. Tu ne dis rien, tu te tiens là comme une tanche pâmée sur une botte de paille. Je gage que tu es déjà pochard. Blanc bec, va. Deux verres de vin, ça leur tourne la boule à ces mariniers d'eau douce. Regarde-moi et imite-moi. Je suis solide à un coup de liquide comme l'était le corbeau à un coup de mer. On n'a pas été corsaire pour rien, qu'en dis-tu, mon bonhomme? Oh, hé, qu'est-ce qui me passe donc devant les yeux? Ça ressemble pas mal à un nuage. Bon, voilà que tout vire autour de moi. Et le cageux, pourquoi diable t'amuses-tu à danser comme ça sans ma permission? Ce n'est pas joli de danser sans les camarades. La table et les chaises qui s'en mêlent. Allez, allez, je ferai l'orchestre. Pas de raison pour que ça finisse. Quelle tempête! Notre cabine roule de tribord à bâbord comme si Lucifer la secouait dans ses bras. Ohé, arrêtez, je m'oppose! Jette la dernière ancre, le cageux. Bravo, voilà Stephen. Verse-moi à boire, l'ancien. Je sue toutes les larmes de mon corps. Fin du chapitre 14 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 15 de la sixième partie. Une histoire sanglante, de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 15. L'ivresse de Mike avait pris un caractère d'hallucination fiévreuse. Il était à présumer qu'une seule goutte de boisson forte achèverait de le tuer. Se flattant de cet espoir, l'hôtelier, qui convoitait le magot de l'Irlandais, s'empressa de lui servir une forte rasade d'eau-de-vie. Mais il s'était trompé dans ses conjectures. Car à peine l'ex-flibustier eut-il ingurgité le breuvage qu'une réaction s'opéra subitement dans ses manières. Il recouvra une sorte de lucidité factice. Ce phénomène n'est point rare dans les cas d'ébriété complète. « Je crois que tu as envie de me naufrager, mon drôle, » dit-il à Stephen. « Ah, ah, ça te ganterait d'hériter de la cargaison de la Mimico, hein ?»« Baste !» articula Stephen en se mordant les lèvres. « À ton aise, prends-la si tu veux. En attendant, emplis le verre de ce pauvre cageux qui doit être altéré comme une éponge desséchée au soleil des tropiques. »« Non, je ne bois plus. »« Tu dis ?»« J'en ai assez, je m'en vas. »« Peu. »« Il faut que je travaille demain. »« Je ne t'en empêcherai pas, tonnerre. Le travail est l'ami de l'homme. Mais il est 1 heure du matin, tu as encore 24 heures à passer avec nous pour être à demain. Ainsi, ne forçons pas la consigne. D'ailleurs, je veux vous conter l'histoire de mes louis. Une belle histoire. » Ça va, dit Stephen. Fin du chapitre 15 de la 6e partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulay à Copenhague en mars 2011. Chapitre 16 de la 6e partie, une histoire sanglante, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 16. Pour lors, reprit Mike, le capitaine Larençon avait à bord du Corbeau une coquine de femme qu'il aimait autant que je la détestais, car il est bon de vous dire qu'elle me rendait l'appareil avec usure. Ça, simplement parce que j'avais averti le capitaine que la particulière avait du goût pour le lieutenant. Dieu de Dieu, m'en a-t-elle valu des récompenses de Garcette la Gredine? Heureusement, je ne suis pas un ingrat, et je l'ai payé capital et intérêt. Pour lors, un jour que nous flânions sur les côtes de Terre-Neuve, voilà que le matelot de Vigie signale un brick, l'Alcyon. Je n'oublierai jamais ce nom-là. En moins de rien, le brick était coulé avec tout son équipage et son chargement passé à notre bord. Le soir, le capitaine Larençon m'appelle dans sa cabine. « Mike, me dit-il, n'y avait-il pas un grand jeune homme, pâle, aux cheveux blonds, parmi les passagers du navire que nous avons capturé cet après-midi ? Je ne le sais que trop, commandant, car le dit jeune homme pâle, aux cheveux blonds, a gratifié votre serviteur d'une paire de soufflets dont ses épaules garderont longtemps la mémoire. Je ne te demande pas d'observation. Qu'est devenu ce jeune homme ? Ma foi, commandant, il a subi le sort ordinaire. Ça m'a fait de la peine, car il était brave, ce muscadin. Si vous l'aviez vu se défendre. Pauvre Charles, murmura alors le capitaine Larençon. « Que n'ai-je su plus tôt ?»« Comment ?»« C'était mon frère. »« Votre frère ?»« Eh oui, il se rendait au Canada. Les papiers qui sont sur cette table me l'ont appris. Mais ne dis-tu pas qu'il s'est bien battu ?»« Comme un lion, commandant, comme un lion. Avec une barre de cabestan, il a éreinté 2 des nôtres et blessé 30 d'autres. Et sans le second ?»« Sans le second ?»« Diable, du train où il y allait ?» Nous aurions bien pu passer un mauvais quart d'heure. « Mais le second !» s'écria le capitaine en brisant la table d'un coup de poing, signe qui m'annonça qu'il était temps de faire les voiles si je ne voulais pas recevoir une bourrasque par le travers. « Le second, répliquai-je, oh, il lui a envoyé une balle en pleine carène. » Fin du chapitre 16 de la 6e partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulay à Copenhague, en mars 2011. Chapitre 17 de la 6e partie, une histoire sanglante, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 17. « C'est bien, me cria-t-il alors, d'un ton aigu, comme le grincement d'une scie qui accroche un clou. Va-t'en. Vous comprenez que je ne me fis pas prier. Quel grain! Ah, si vous eussiez vu le capitaine Larençon, ventre de baleine, était-il un peu en colère? Quand je vous dirais que les écubiers lui sortaient de la tête, que ses cheveux étaient droits et raides sur son crâne, comme des cabillauds dans les râteliers, que ses dents craquaient comme s'il eût broyé des galets entre leurs marteaux, et que, dans ses mains crispées, il brisait la coquille de son sabre. Pour lors, je virai de bord. Le lendemain, pas plus de lieutenant sur le corbeau que dans la paume de ma main. On nous assura que, durant la nuit, notre dit lieutenant avait fait un plongeon dans la grande tasse. Les autres en prirent ce qu'ils voulurent. Pour moi, je savais à quoi m'en tenir. Notre commandant avait lâché une bordée au second, vous sentez. Bon, à partir de ce moment, tout fila de mal en pis. Le corbeau fit naufrage. Pauvre corbeau, va. Le capitaine Larençon, 3 des nôtres et moi, échappèrent seuls. C'est dans les parages de Cuba que nous échouâmes. Après ça, nous fîmes la traite des Noirs avec une barque affrétée par des armateurs. Chien de métier que celui de pourvoyeur de chair humaine, mille tonnerres. Ça dura 2 ou 3 ans, il y avait longtemps que nous étions débarrassés de cette chipie dont je vous ai parlé. Dans un abordage, elle s'était fait larguer la poulaine. Note, la poulaine, dans le langage figuré des matelots, est le nez du navire comme les écubiers en sont les yeux. Par « larguer la poulaine », Mike veut dire « couper le nez ». Fin de la note. Et le capitaine l'avait alors renvoyée à Montréal avec une bonne pacotille de dollars, car dans ce temps-là, comme je l'appris plus tard, il n'était pas regardant le capitaine. Le trafic africain ne donnait pas. Un beau matin, le commandant Larançon et moi, nous nous trouvâmes aussi à sec sur le pavé de New York que des morues sur une botte de paille. Faut vous dire que, malgré tout, je l'aimais encore, le commandant. À preuve, c'est que je le suivais comme un chien. Ma foi, ne sachant plus où prendre le vent, nous nous étions engagés sur un baleinier, lui comme second, moi comme maître d'équipage, et nous avions touché 3 mois de solde à l'avance, quand le capitaine me dit « bonne chance, troun de l'air, Mike !»« Quoi donc, commandant ?»« Mon père est mort aux Indes, en laissant une fortune considérable. »« Pas possible !»« Aussi vrai que je te le dis. Mais il paraît que mon frère, Charles Bourgeot... »« Bourgeot ?»« Oui, c'est mon nom véritable. Larançon n'est qu'un pseudonyme. » Et ?»« Et comme on ne suppose pas que j'existe, mon frère Charles reste l'unique héritier. » »« Mais comment savez-vous ?»« En lisant un journal anglais, j'ai vu qu'on mandait Charles Bourgeot au consulat de France. Je m'y suis rendu. Le consul m'a dit que mon frère résidait à Québec. Conçois-tu ?»« Mais, commandant, votre frère Charles, mais n'est-ce pas lui qui... » était à bord de l'Alcyon ? Je n'osais vous rappeler ce souvenir. S'il y a au monde un Charles Bourgeot, natif de Marseille, c'est lui. Bast ! C'est impossible, puisqu'il a été tué et jeté à la mer. Si c'est un imposteur, tant mieux. De fait, vous serez le légataire universel. En attendant, dépêchons-nous de faire voile vers la métropole du Canada. Et notre engagement ? Imbécile ! Nous sommes en route. Va comme je te pousse, si tu t'orientes bien, tu toucheras à bon port. Après 10 jours de marche, en bateau et en stage, nous jetons l'ancre à Québec. Fameuse ville, potence des potences, que Québec, quoique j'y ai dansé la danse des pendus. Quel gin, quel whisky ! Et le rhum, donc ! Enfin nous amarrons. Le commandant Larançon ne perd pas un nœud de temps. Il vous fait des recherches, et le même soir, il est renseigné. « Mike, qu'il me dit. »« Présent, capitaine. »« Tu m'es dévoué. »« Jusqu'à la culasse, capitaine. »« Nous allons être riches, si tu veux. »« Riches, ça m'accommode. Que devons-nous faire ?»« Nous aurons un trois-mâts et tu seras mon second. »« C'est diantrement de l'honneur, capitaine. Mais que faut-il gréer pour cela ?» Presque rien. C'est encore mieux. Cependant... Ah, j'écoute. Mon frère Charles, à ce qu'il paraît, n'a pas été tué comme tu le pensais, encore moins lancé à la mer. Hein? J'en doute. Voici ce qu'on m'a raconté. Il aurait été blessé, serait demeuré inaperçu à bord de l'Alcyon, et après notre départ, un bateau pilote l'aurait recueilli, transporté à Halifax. Ça sent tonnerrement le mystère. J'en conviens, mais il possédait des papiers qui ont établi son identité. Bref, il est venu à Québec où il s'est marié. C'est toujours drôle. Bref, il est mort dernièrement. Ah, je commence à respirer, capitaine. Mais il a laissé un enfant. Et une femme ? Non, sa femme l'avait précédé au tombeau. Reste à l'enfant. Oui, dit le capitaine, d'un air qui avait l'air d'avoir 2 airs. « Connu, commandant. »« Que veux-tu dire ?»« L'enfant nous gêne. »« Troune de l'air !»« Quel âge ?»« 2 ans à peine. »« Facile de s'en délivrer. » Je joignis les mains pour donner du sens à mes paroles. « Non, pas ça, » répondit-il en se frappant le front. « Pas ça. » Il était curieux parfois, le capitaine Larançon. Sur terre, une véritable poule mouillée. « J'exécuterai vos ordres. »« Me jures-tu ? » Sur l'âme de mon père que je n'ai jamais connue. Tu enlèveras l'enfant et me l'apporteras à Montréal, mais je ne veux pas que mal lui arrive. On le soignera, fiez-vous à moi. Pour lors, le capitaine m'indiqua l'endroit où le poupard avait été mis en nourrice. Puis il me dit, Tu mettras le feu à la maison, tu sauveras la petite pendant l'incendie et la conduiras à Montréal. » « Pourquoi mettre le feu à la maison ?»« Eh, afin qu'on croie l'enfant brûlé. » « Magnifique, commandant, magnifique !» Tout alla pour le mieux. Le capitaine se procura même, je ne sais trop comment, un lot de billets de banque avec lesquels nous fîmes une ripaille, une ripaille. Enfin. L'enfant fut mené chez la mère Juliette, à Montréal. La mère Juliette était l'ancienne maîtresse du capitaine Larançon. Ici, on l'avait baptisée la Camarde. Fin du chapitre 17 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 18 de la sixième partie, une histoire sanglante, de La fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 18. La Camarde ! Interrompit le cageux. Maintenant, je me souviens d'elle comme d'hier. Elle habitait une masure du faubourg Québec. C'était une femme hideuse, sans nez. « C'est cela même, » répliqua l'Irlandais. « N'a-t-elle pas été rôtie avec sa cassine ?»« Attends, tu le sauras. » Puis, Mike, ayant bu un verre d'eau-de-vie, reprit son épouvantable récit. Fin du chapitre 18 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 19 de la sixième partie, une histoire sanglante, de La fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 19. Donc j'avais transporté l'enfant chez la Camarde. C'était en hiver. Il faisait un froid de loup. Pour me réchauffer, je m'amusais à pinter quelques verres en attendant le capitaine Montbourgeois, comme il m'avait ordonné de l'appeler depuis que nous avions quitté la marine. Pendant ce temps, la vieille sorcière ne s'avisa-t-elle pas de vouloir nager dans nos eaux? Ah oui, c'est bien à Mike qu'on joue de ces tours-là. Le commandant arriva, plus d'enfants. Quelle rage! Une tonne de salpêtre embrasée, quoi! Il commença à taper sur la Camarde, pif, paf, pouf, comme s'il eût touché sur un matelas. Jamais distribution ne fut plus équitable et plus complète. Je jouissais dans ma peau comme un porc dans une mare. Tonnerre! Avec quel courage le capitaine travaillait! Ce n'était que le début. Juliette prétendait que l'enfant avait gagné le large. Un enfant à la mamelle! Il aurait fallu être bête pour avaler celle-là. Pour lors, je sentais se réveiller ma petite inimitié pour la Camarde. En voyant le capitaine Larançon bûcher, ça me donna envie d'en faire autant. Fantaisie assez naturelle, n'est-ce pas? Je suis sympathique et rancunier en tonnerre, moi. Donc, je réfléchis que Juliette pouvait bien avoir caché l'enfant pour s'en servir contre nous, et je le dis au capitaine. Stop! Bon, je jette le grappin d'abordage sur ma satanée Camarde, qui s'était réfugiée dans la cuisine comme une sournoise, et je lui dis. Où donc est la petite? C'est pas. Ah ah! Je vais te rafraîchir la mémoire. J'avais mon knife, note, un couteau. Fin de la note. Un beau knife, un souvenir d'autrefois. Le tirant de ma poche, j'en caresse la peau de la vieille, histoire de la raser, je vous assure, car elle avait des poils longs comme des ralingues. Elle crie à son chien, « Ici, hurleur !» Peu. Maître Hurleur me chatouillait déjà les mollets. « Oh, oh, un moment, un moment !» Deux coups de couteau envoient le dit chien où nous irons tous quelques jours. Juliette essaya de tirer une bordée. « Pas si vite, l'ancienne! Que diable! Est-ce que deux amis comme nous se sépareront sans se serrer la main? Au secours! Où est la petite? Réponds-moi et dépêchons. Je ne veux pas le dire. Alors je la déterrerai. » Et mon couteau faisait une large trouée dans la carcasse de la Camarde. C'était justice. Jamais ma conscience ne m'a reproché ce péché véniel. Je trouvai l'enfant caché dans un caquet de guenilles. L'ayant rapporté au capitaine Larançon, je mis le feu à la cambuse qui, au bout d'une heure, était réduite en cendres. Buvons encore, mille caronades! Buvons, car j'achève! Fin du chapitre 19 de la sixième partie. enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 20 de la sixième partie, une histoire sanglante, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 20. Buvons, répéta le cageux, se croyant en proie à un affreux cauchemar. Buvons jusqu'à la mort, ajouta Stephen, atteint lui-même de l'ivresse qui flamboyait en gerbes de flammes dans le cerveau de ses hôtes. Oui, buvons des bouteilles, des tonnes, buvons un lac d'eau-de-vie. Après une pause de quelques minutes, Mike reprit la parole. Fin du chapitre 20 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 21 de la sixième partie, une histoire sanglante, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 21. Ça finira mal. J'ai quelque chose qui m'avertit. Enfin. Pour lors, le capitaine devait faire disparaître l'enfant et se rendre en Europe afin d'y recueillir la succession de feu son père. Moi, je devais l'attendre aux États-Unis, où il viendrait me prendre avec un nouveau corsaire. Il m'oublia. 16 années se passèrent sans que j'en entendisse parler. Durant cet intervalle, je roulais ma bosse de côté et d'autre, et par aventure tombais, il y a quelques semaines, à Montréal. J'étais aussi sec qu'un rat d'église. À mon âge, on ne vit pas d'amour et d'eau claire. J'entre chez un changeur, je lui présente un bill de ma façon. On m'empoigne sous prétexte que le bill était faux. 10 ans de pénitencier en perspective, quelle chance! Un brave jeune homme, un républicain comme ils disent, devient mon compagnon de cachot. Nous tâchons de nous échapper, il y parvient. Moi, je me fais rempoigner. Mais une diablesse de sentinelle, Dieu la bénisse, m'avait blessé. Presque rien, un bobo. On m'envoie à l'infirmerie. Quelle chance! Le lendemain soir, je réussis à dérober les habits d'un de nos gardiens. Je me les flanque sur le dos et vous tire loyalement ma révérence à la prison, par la grande porte, s'il vous plaît. Ah! Mike n'a pas froid aux yeux, c'est moi qui vous le dis. Une fois dehors du pétrin, que faire? Je commençais à tirer la langue quand, dans une barre, on prononça le nom de Bourgeot. Bourgeot, me dis-je, hein? Est-ce que ce serait le capitaine Larençon? Veillons au beau soir, tonnerre, ça mérite considération. Un temps, deux mouvements, je suis chez mon particulier. Il était logé comme un prince, de la soie, du velours, de l'argenterie, plus que ça de genre. L'eau me montait à la bouche. Du reste, il avait toujours beaucoup aimé la bagatelle, le capitaine Larençon. Pour lors, ledit Bourgeot arrive. C'était mon homme, mon ancien commandant, le capitaine Larençon. Mais changé! Il avait fait cargaison de graisse. Tout autre que moi ne l'eût pas reconnu. Dans ma joie, je courais pour l'embrasser. Que voulez-vous? Capitaine! Il pâlit. « Je suis Mike, votre... » Ce nom m'est étranger. Là-dessus, il me tourne le dos et on me campe à la porte. En ville, j'apprends que ce ruffien de Bourgeot était français, natif de Marseille, débarqué ici il y a plusieurs années, qu'il avait épousé une veuve et adopté le fils de cette femme. Il se donnait pour commerçant retiré des affaires. Voyez-vous ça, ventre de baleine! Ah, mon vieux coquin! Tu veux manger la poire que j'ai cueillie? Minute, minute! J'aurais pu l'expédier à la potence par l'entremise du bourreau, mais ce moyen était compromettant et le résultat peu fructueux. Je patientais. L'occasion de me venger s'offrit bientôt. Hier, je sus d'un domestique que mon ex-capitaine partirait dans la nuit pour sa maison de campagne. J'embauche 2 Irlandais et nous établissons une croisière au pied de la montagne. Bateau, comme j'étais content! Mon cœur battait! Oh, les ingrats, je les déteste! Brigand de capitaine, m'avoir reçu comme ça, moi qui avais fait sa fortune! Fin du chapitre 21 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 22 de la sixième partie, une histoire sanglante, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 22. Mike ne put compléter sa phrase. Plusieurs agents de police venaient d'envahir soudainement le cabaret et de se précipiter sur les trois buveurs. En vain ces derniers opposèrent une vive résistance. Ils furent garrottés et conduits à la prison de Montréal, où l'Irlandais entra en répétant « Ventre de baleine, je pensais bien que ça finirait mal. » Fin du chapitre 22 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 1 de la septième partie, Deux amants, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 1. Alphonse à Angèle. New York. Mademoiselle, n'ayant point eu le bonheur de vous voir avant mon départ, je n'ai pu vous demander la permission de vous écrire quelquefois. Telle était cependant mon intention. J'en ai fait part à notre excellent ami, M. Jobinet. Pour toute réponse, il a souri. J'en ai conclu qu'une lettre de moi ne vous déplairait pas. Si je me suis trompée, excusez mon erreur, mademoiselle. Je ferai tout au monde pour la réparer, car rien ne me serait plus pénible à supporter que votre courroux. Cette lettre, je vous la dois, comme je vous dois la vie. Deux fois vous m'avez arraché à une mort certaine et je n'ai pu encore vous exprimer les sentiments de reconnaissance qui débordent mon cœur. N'est-ce pas, mademoiselle, que je serais bien ingrat si maintenant j'oubliais votre sublime dévouement et les périls que vous avez courus pour me mettre en sûreté? Peut-être aurait-il été plus convenable que j'adressasse ma missive à votre bon père Morlaix. Peut-être l'eussiez-vous préféré. Mais j'éprouve, en songeant à vous, une émotion inexprimable, des palpitations étranges que je n'oserais confier à un homme. Vous êtes femme et vous saurez me comprendre. Ou du moins, vous ne rirez pas de moi, naïf jeune homme, à peine entré dans la vie, qui n'ai vu le monde que dans un chantier ou à travers les livres. Ces livres m'ont dit que votre sexe était meilleur et plus délicat que le nôtre. Je le crois, car ma mère est bien bonne, allez, mademoiselle. Et si la douleur se glisse maintenant dans mon âme, c'est quand je pense à cette pauvre vieille mère que mon exil doit affliger si cruellement. Mon Dieu, pourquoi donc n'aimons-nous tant pas autant nos parents lorsque nous sommes auprès d'eux que lorsque nous en sommes séparés? Cela ne viendrait-il pas de ce que près d'eux, nous n'avons pas conscience de leur affection? Ces mille petits soins, ces attentions vigilantes dont ils nous entourent, semblent naturels, parce que l'on y est accoutumé. Nous n'y attachons pas de prix, sachant ou croyant qu'ils nous sont dus. Mais que nous quittions le foyer domestique, qu'au lieu de voix amies nous entendions autour de nous des voix étrangères, qu'au lieu de la prévoyance maternelle nous soyons obligés de demander aide à des soins mercenaires, et nous commençons à apprécier la valeur des liens du sang. L'affection qu'alors on porte à sa famille trouve sans doute son mobile dans l'égoïsme. On aime ses proches beaucoup pour soi. Mais cet égoïsme est si naturel de part et d'autre. C'est une chaîne si douce à porter que je la regarde comme le plus grand des bienfaits que nous ait donné la Providence. Oh oui, car aimer les nôtres pour nous-mêmes, c'est les inviter à nous aimer et entretenir ainsi dans la société de saintes relations dont la bienveillance et la charité tiennent les fils imperceptibles. Mais je m'oublie à vous parler un langage auquel une jeune fille n'est pas habituée. Pardon, je n'ai, voyez-vous, personne à qui je puisse communiquer toutes les pensées qui flottent devant mon imagination depuis mon arrivée ici. Ma mère est bonne, mais elle n'a jamais su lire dans mon cœur, et j'ai un caractère si expansif. Si cette lettre vous ennuie, jetez-la au feu. Cependant, soyez assurée, mademoiselle, que vous aurez toujours, en moi, un ami fidèle jusqu'à la mort. Que bizarre est notre rencontre! Et qu'il doit y avoir de force dans votre caractère, d'héroïsme dans votre noblesse, pour m'avoir secouru comme vous l'avez fait. Une autre que vous se serait évanouie, ou aurait crié au secours. Mais vous, mademoiselle, vous n'avez pas frémi, vous n'avez pas tremblé. Vous m'avez soignée, moi, inconnu, moi, couvert de sang et de vêtements misérables, vous m'avez soigné comme une sœur soigne un frère. Oh, je me le rappelle, en reprenant mes sens, je crus un instant que mon âme ravie à son enveloppe terrestre avait été transportée dans une autre sphère, où une sylphide, un ange, l'avait prise sous sa protection. Le rêve dura longtemps, jusqu'au jour où je m'éveillai dans cette blanche chambrette que vous savez. Combien j'eusse été heureux d'expirer durant ces heures de fièvre ardente. Je nageais dans un tel océan de bonheur. Néanmoins, chose singulière que je ne m'explique pas, après être sorti du délire, en vous apercevant, à quelques pas de moi, en me convainquant que je n'étais pas le jouet d'un rêve, que la réalité m'environnait, je pris goût à l'existence. J'envisageais avec effroi les dangers de ma position, je priais dans mon cœur l'Éternel de m'arracher du trépas. Quelle est donc la signification de ces incohérences? Aujourd'hui encore, tantôt je me cramponne à la vie de toute la puissance de mon être, tantôt je suis prête à m'abandonner au désespoir. Je voudrais ne vous parler que de vous, mademoiselle. J'aurais plaisir à vous dire combien, malgré notre courte connaissance, je me suis pénétrée de la sublime harmonie de vos qualités. Il me serait agréable de retracer les poétiques images que votre présence fait concevoir, mais les malheureux n'ont d'amour que pour leurs misères vraies ou supposées. C'est principalement dans la lutte avec l'infortune que nous nous cuirassons de personnalité, qu'il faut de courage pour supporter la douleur au sein de la gaieté. J'avais cru que je possédais ce courage. La prison, la triste perspective d'une condamnation à mort, me trouvait insensible. Sans mon compagnon de cachot, jamais peut-être la pensée d'une évasion ne me fût venue. Il me semble que j'aurais marché d'un pas ferme au supplice. D'où vient que, maintenant, je suis plein d'hésitation et d'incertitude? Les États-Unis ne sont-ils pas la plus magnifique contrée possible? N'ai-je pas la gloire de prospérer en paix, à l'ombre de la bannière étoilée? Oh, quel mystère que nos passions! Dès ma plus tendre enfance, j'ai chéri la République. En sortant du collège, je soupirais pour le jour où je pourrais aller m'établir dans les États. À présent, j'y suis. Matériellement, j'ai autant de jouissances que j'ai prétendu en avoir, et, je le confesse, la mélancolie règne constamment sur mon front. En quittant les rives de notre fleuve majestueux, ma poitrine s'est soulevée et des larmes abondantes ont coulé de mes yeux. N'eussent été les exhortations de M. Jobinet, qui m'accompagna jusqu'à Saint-Jean, je me serais livrée à mes ennemis plutôt que de m'exposer aux tristesses de l'exil. Oh oui, j'ai laissé là-bas, sur le sol natal, la meilleure partie de moi-même. Québec, Montréal, je vous vois sans cesse dans mon sommeil, comme dans mes insomnies. En vain j'ai cherché ici quelques distractions. Le bruit, le mouvement m'irritent. Les théâtres me sont insupportables. Ni la méchanceté, ni l'envie ne forment l'essence de mon tempérament. Et je me surprends à envier la fortune de ces heureux de la terre qui passent à côté de moi emportés dans leurs brillants équipages. Et je déteste parfois ces femmes étincelantes de parure que je vois au spectacle. N'est-ce pas honteux? La vertu ne serait-elle donc qu'un masque sous lequel on déguiserait plus ou moins habilement les tentations, les vices secrets? Ou bien ne serait-elle que le triomphe accidentel de la raison, sans cesse aux prises avec la bestialité? Où est la lumière sacrée? Où est le vrai? Mon Dieu, qu'il est difficile d'être sage ici-bas! Nous contemplons, nous aimons, nous admirons ou nous regardons, nous jalousons, nous haïssons. Affreux dilemme! Oh, qu'il se trouve faible l'homme quand il s'essaie à la définition! Est-il né pour la souffrance ou la félicité? Le savoir l'écrase, l'ignorance l'abrutit. Nous devons accepter la science de la vie formulée ou la rejeter. Mais si nous l'acceptons, que reste-t-il au progrès, à la perfectibilité? Rien. Marche! Nous crie une voix intérieure. Et nous marchons d'ombre en obscurité, d'obscurité en ténèbres, de ténèbres en opacité. L'Antiquité éclairée trébuche dans son acheminement.

à Copenhague, en mars 2011. Chapitre 3 de la 7e partie, Deux amants, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 3. Tout à coup, Angèle tressaillit. Ses traits se décomposèrent, une sueur froide baigna son front, ses doigts se joignirent convulsivement, et de sa bouche tomba une exclamation déchirante. « Mon Dieu !» L'illusion avait fui. Adieu, gracieuses images, papillons folâtres. Adieu, beaux lacs, frais ombrages, vives libellules, abeilles bourdonnantes, rossignols aux magiques vocalisations. Adieu, ciel d'azur. Pauvre Angèle, quelle tempête soudaine vous a donc jetée sur le roc de la réalité? Douteriez-vous aussi, vous? Mais non, c'est impossible. Belle, humaine, charitable, pétrie par les grâces, élevée par de pieuses gens dont vous partagez toute la foi, riche de jeunesse, d'espérance, vous êtes inaccessible au scepticisme. Et cependant, cependant, votre pied s'est posé sur un serpent, caché sous l'herbe embaumée. Cependant, voilà que l'odieux reptile a roulé autour de votre corps tiède et satiné, son corps froid et visqueux. Voici qu'il dresse sa tête hideuse et cherche l'endroit le plus sensible de votre cœur pour y instiller, dans une morsure, son mortel venin. Pauvre, pauvre Angèle. Fin du chapitre 3 de la 7e partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulay à Copenhague en mars 2011. Chapitre 4 de la 7e partie, Deux amants, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 4. Il y a dans les sociétés un tyran, plus despotique que la loi, un maître plus fort que la raison, un bourreau plus impitoyable que l'exécuteur des hautes œuvres. Ce bourreau, ce maître, ce tyran, c'est le préjugé. Le préjugé est la pierre d'achoppement du progrès, le Gibraltar de l'idiotisme, le terre-à-terre de la civilisation. On déracine les abus, on supprime d'un coup les mauvais règlements, en une heure on brise les gouvernements, en un jour on concasse les trônes, comme un verre de cristal. Mais pour détruire le préjugé, l'arme des siècles est à peine suffisante. Certains préjugés sucés avec le lait deviennent des tyrans jusque dans la vieillesse, a dit Chénier. Remplacez le mot vieillesse par le mot mort et vous aurez une idée complète, malheureusement vraie. Le préjugé est une sève féconde dont toute l'influence ne saurait être détruite que par une autre sève, celle de l'éducation. Et encore. Nul de nous, hélas, n'est exempt de préjugés. Fils de l'entêtement et de la tradition, les préjugés sont mis en nourrice chez la paresse, ensuite formés à l'école de l'habitude, et définitivement portés à l'empire du monde par l'amour-propre individuel. Le préjugé ne compte guère qu'un antagoniste avec lequel il livre depuis un siècle une lutte acharnée. Cet antagoniste, c'est le livre. Le livre le harcèle, le pousse dans ses derniers retranchements, l'assiège, l'affame, et ne lui laisse ni trêve, ni merci. Étonnez-vous donc que tant de gens momifiés attaquent, comme pernicieux, le développement de la presse? Le préjugé vous dit « Les enfants sont solidaires des fautes de leurs parents, les parents solidaires des fautes de leurs enfants. » En d'autres termes, un fils vole, assassine, une fille pêche contre l'honneur. Le père et la mère doivent être méprisés. Et réciproquement, le préjugé nous dit encore « Si tu tues, tu seras tué. Le juge qui te condamnera à mort sera respecté, considéré. Le bourreau qui exécutera la sentence sera méprisé, vilipendé. » Le préjugé nous dit « Oh, c'est horrible. Tu n'as pas demandé à vivre. Pourtant, tu as été lancé sur cette terre que tu te hâterais de quitter sans la crainte de commettre une lâcheté et on te montre au doigt, on te crache l'insulte au visage, on te fuit comme un pestiféré, quoique tu sois honnête, instruit, doué de nobles et brillantes qualités, parce que le nom de ton père est resté en blanc sur les registres de l'état civil. Tu ne connais pas ton père, tu ne peux présenter au monde le sarcophage d'un nom, alors tu n'es qu'un ilote, un paria. Va-t'en, lépreux. Mais je ne suis pas l'auteur de mon être. N'importe. Je travaille à me rendre utile. N'importe, nous ne voulons pas de toi. Je me sacrifierai pour mes semblables. Tes sacrifices, fi donc. Je serai votre valet. Mon valet, toi, quelle audace! Votre esclave? Rien. Bâtard, à moins que tu ne puisses opposer un préjugé à un autre préjugé, à moins que tu ne puisses doubler d'or le mystère de ta naissance, il te faut boire les dédains des descendances putatives. Le livre, par contre, vous dit « L'homme, sur cette terre, n'est responsable que de ses propres actions. Lui, qu'assiège tant de vicissitudes, ne saurait justement se rendre passible des fautes d'autrui. Si une longue suite d'aïeux illustres, si des enfants célèbres peuvent jeter de la gloire sur un nom, le péché d'un père, le crime d'un fils, ne doivent pas rejaillir sur l'autre. Le livre vous dit encore « Sois honnête, fais le bien pour le bien, cherche à être heureux autant que possible en ce bas monde, sans nuire à ton prochain, et tu rempliras ainsi la mission que chacun de nous a reçue avec la naissance. » Il vous dira « Le privilège de la noblesse héréditaire est une absurdité. Les honneurs que donne la fortune sont inférieurs à ceux que donnent les talents personnels. Les mariages d'argent, ces ventes qui font de deux êtres libres, jeunes, des esclaves pour l'avenir, sont des monstruosités. C'est dans le travail et l'amour que repose le bonheur réel. Il osera même ajouter que ceux qui prétendent étouffer les passions sont des sots ou des hypocrites, parce que les passions sont aussi nécessaires à l'existence d'un état social que les aliments nutritifs à l'existence de l'homme. Il ira bien plus loin, ma foi, ce diable de livre en faveur duquel M. A. Carr écrivait, dernièrement, de si jolies choses dans ses bourdonnements. » Fin du chapitre 4 de la 7e partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 5 de la 7e partie, Deux amants, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5. Comme des éclairs dans une nuit obscure, les réminiscences du préjugé luirent tout à coup à l'esprit d'Angèle. Pauvre cher enfant, un mystère enveloppait sa naissance dans des plis ténébreux. Elle ne connaissait ni père ni mère légitimés par la loi. Et cette même loi au front de la jeune fille gravait en lettres de feu le stigmate « Bâtarde !» Qu'importait alors sa beauté, ses agréments physiques? Que faisaient alors ses vertus, son éducation, ses rares qualités intellectuelles? C'est-à-dire que le monde la rejetait de son sein, que son amant, à cet aveu, allait fuir épouvanté, et qu'il lui faudrait à elle inhumer la honte de ses parents dans un couvent, où même elle ne serait peut-être pas entièrement à l'abri des préventions du vulgaire. Mon Dieu! Pourquoi donc nous avez-vous inoculé le virus de l'affliction dès notre origine? Serait-ce parce que, de même que toute douleur physique est un pas vers la mort, toute douleur morale est un pas vers la vertu? Ou serait-ce parce que l'humanité est éternellement destinée à souffrir dans sa lutte entre le cylindre du passé et le cylindre de l'avenir? Effroyable problème! Fin du chapitre 5 de la 7e partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 6 de la 7e partie. Deux amants. De la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 6. Angèle, tombé à genoux devant une image de la Vierge, priait. Rien n'est plus propre à raffermir la foi religieuse que l'amour qui en est la base. L'amour répugne autant à l'athéisme que la sensitive au souffle glacial de l'hiver. La prière de la jolie fille du Faubourg Québec dura longtemps, et, lorsqu'elle se releva, la sérénité brillait sur son visage. Telle, après une tempête, une rose se redresse doucement sur sa tige pour saluer le retour d'un soleil vivifiant. Encore perlée par les gouttes de pluie, la reine des fleurs rayonne d'un plus bel incarnat, parfume l'air de plus doux arômes. Ayant jeté sur ses épaules une mantille et posé sur sa tête un petit chapeau de paille, Angèle se rend chez Pierre Morlaix. Ce fut d'un pas léger qu'elle fit le trajet de la rue du Loup à la rue des Voltigeurs. Cependant, en approchant de la demeure du charretier, sa démarche se ralentit insensiblement, et lorsqu'elle arriva à la maison de briques, au contrevent vert, où s'était écoulée la plus grande partie de son enfance, elle tremblait comme la feuille d'érable agitée par les vents d'automne. Les palpitations augmentèrent encore quand elle mit le pied sur le seuil de la porte et s'accrurent bientôt à ce point qu'elle fut obligée de s'appuyer au mur pour ne pas tomber. Pauvre, pauvre Angèle, que méchant est ce monde qui vous cause tant de douleurs. Fin du chapitre 6 de la 7e partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 7 de la 7e partie, Deux amants, de La fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 7. Après une minute de repos pour comprimer les battements de son sein et mettre de l'ordre dans son esprit, Angèle entra. La mère Morlaix était seule dans la salle, occupée à brunir sa batterie de cuisine. « Jésus Seigneur, te v'là, mon enfant !» dit-elle en quittant son travail pour embrasser Angèle. « Mais d'où est-ce que tu ressous comme ça ?» Note. Ressous. Sort. Fin de la note. « Y a au moins un siècle qu'on ne t'a vu. Je croyais quasiment que t'étais malade. »« Malade ? Non, ma bonne mère, » répliqua la jeune fille, ébauchant un sourire contraint. « J'ai eu beaucoup d'ouvrages cette semaine et... » « Et tu t'es fatiguée, c'est-y pas honteux. Je vous demande un peu si c'est pas tannant de s'échigner comme ça, quand tu pourrais rester chez nous, ou ce qu'on ne te refuse rien. »« C'est vrai. »« Vrai, Angèle, oui, ben vrai. Car c'est pas pour dire, on t'aime ici, plus que tes pères et mères ne t'ont jamais aimé. » Ces derniers mots, prononcés sans mauvaise intention, avivèrent toutes les plaies d'Angèle. Deux larmes brûlantes brillèrent au coin de ses paupières. « Bon, v'là-t'y pas que tu vas geindre à cette heure, » poursuivit la vieille. « Qu'est-ce que t'as ? Tu n'es plus toi, ma fille, jadis si gaie, si riante. Maintenant ?»« Pierre est-il ici ? » interrompit Angèle, pour couper court à cette intempérance de langue qui la gênait. « Pierre, il va t'arriver prendre son dîner. T'as-t-il quelque chose de particulier à lui dire ?» Un bruit de voiture résonna en ce moment au dehors. C'était le charretier. La jolie fille courut à sa rencontre. Fin du chapitre 7 de la 7e partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 8 de la 7e partie, Deux amants, de La fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 8. « Mon ami, lui dit Angèle, je désirerais vous parler. »« Aussitôt que j'aurai remisé ma calèche ?»« Non, tout de suite, c'est très important. »« Allons, allons, je t'écoute, » dit Pierre, surpris au plus haut point. « Pas ici, montons à votre chambre. » »« La bonne femme, » dit le charretier, en passant dans la salle avec Angèle, « ayez donc l'œil à mes chevaux, je vous prie, l'enfant a quelque chose à me communiquer. » « Que mystère encore !» murmura Madame Morlaix. Fin du chapitre 8 de la 7e partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 9 de la 7e partie. Deux amants. De la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 9. Parvenue dans la chambre du charretier, Angèle lui dit résolument « Pierre, je vous dois tout, je le sais. Votre mère et vous m'avez généreusement tenu lieu de parents. Mais dites-moi, ne connaissez-vous rien de ma famille véritable ?»« De ta famille ?» fit le cocher, reculant d'un pas. « Oh, je vous en supplie !»« Tu voudrais nous quitter? Est-ce qu'on t'a fait de la peine ?»« Oh non !» pleura la jeune fille. « Vous ne m'avez témoigné que trop de bonté. Ma vie tout entière ne suffira point pour acquitter ma dette de reconnaissance que j'ai contractée envers vous. Mais... »« Hélas, je te comprends, » dit Pierre ému. « On t'aura reproché de n'avoir ni père ni mère et... »« Vous vous trompez, personne ne m'a !» Les sanglots lui coupèrent la voix. « Chère fille bien-aimée, notre tendresse ne te suffit donc plus ?» s'écria le charretier en la baisant passionnément au front. « Que dites-vous là, mon ami ?»« C'est que, vois-tu, Angèle, je ne sais rien, rien que ce que je t'ai déjà raconté. J'ai cherché dès lors. Aujourd'hui même je cherche, et... »« Et ?» répéta la jeune fille, palpitante d'anxiété. « Et ?» reprit Pierre en secouant tristement la tête. Je ne sais rien de plus. Une nuit de janvier 1800, en revenant du Griffinton, je rencontrai un individu qui embarqua près de moi et se fit conduire à la rue de la Visitation. Là, il descendit en m'ordonnant de l'attendre, mais ne reparut plus. Dans mon traîneau, il avait oublié un portefeuille en maroquin noir contenant 20 billets de 50 piastres chacun et un chiffon de papier que j'ai perdu. Je mis le tout dans ma poche et revins à la maison que nous habitions ma mère et moi, dans le faubourg Saint-Louis. Au coin de la rue Pertuis, j'aperçus un paquet blanc déposé contre une porte. Je m'en emparai. C'était toi, mon enfant, endormi dans une couverture. « Hé !» dit Angèle avec une agitation indicible. « Cette couverture, les langes qui m'entouraient, n'avaient aucune marque ?»« Non, » repartit le charretier, « aucune. » Si ce n'est pourtant comme l'empreinte d'une main teinte en rouge. On aurait dit du sang. Quelle énigme! Oh mon Dieu, c'est affreux! S'écria la jeune fille en pressant convulsivement ses mains contre ses yeux. Fin du chapitre 9 de la 7e partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 10 de la 7e partie. Deux amants. De la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 10. Oui, reprit le charretier, comme s'il répondait à une question mentale. Oui, c'est bien mystérieux pour le certain. J'ai souvent rêvé à cette nuit-là. C'était le bon temps où je possédais Carillon et la Brune. Deux bêtes. Ah, enfin! Et il faisait un fret que la barbe en fumait. Oh, je ne l'oublierai jamais. Puis ces pressentiments... Baste, il ne faut pas y croire. Les pressentiments, c'est de la bêtise. Des pressentiments ? S'écria Angèle, qui ne perdait pas un mot de ce monologue. Des pressentiments ? Que vous disait-il ? Rien, rien du tout, s'écria brusquement Morlaix. D'abord, les pressentiments mentent comme les astrologues. Et monsieur le curé dit qu'il ne faut pas y ajouter foi sous peine de péché. « Pierre, oh, pitié !» fit la jeune fille affolée. « Pitié pour une pauvre orpheline. Dévoilez-moi tout ce que vous savez, tout ce que vous présumez de ma famille. C'est si cruel, voyez-vous, de ne connaître ni son père, ni sa mère. Oh, mon Dieu, je ne pensais pas !»« Allons, allons, ne te désole pas comme ça, mon enfant !» dit Pierre, ému jusqu'aux larmes. Ça me fend le cœur de te voir pleurer. Moi qui donnerais tout au monde, jusqu'à mon dernier attelage, un attelage bien superbe cependant, pour te sentir heureuse. Quelle idée subite aussi! Pierre, vous ne répondez pas à ma question, interrompit Angèle d'un ton suppliant. C'est vrai, mais... Vous voulez donc me faire mourir? S'écria-t-elle, avec cet accent désespéré dont toutes les femmes connaissent le diapason, et lequel manque rarement de vaincre l'opiniâtreté de ceux qui les aiment. « Moi, te faire mourir? Est-ce que tu y penses, Angèle? Je passerais au feu pour satisfaire un de tes caprices. Pour te le prouver, je vais te dire ce que j'ai supposé quelquefois en songeant à cette nuit-là. Mais au moins, ne dis plus que je veux te faire mourir. « Parlez, Pierre, mon ami, mon père, oh, parlez vite !» dit Angèle, en pressant les grosses mains basanées et calleuses du charretier dans ses petites mains blanches et satinées. Eh ben, il m'est venu à l'esprit que cet inconnu que j'avais embarqué en sortant du Griffinton et débarqué au coin de la rue Visitation n'était pas étranger à... Le charretier hésita. « Hein ?» répéta anxieusement la jolie fille. « Ah, ma foi, je cherche le mot. »« À moi ?»« Oui, c'est pour trouver ça que je me creusais la tête. » Angèle poussa un soupir de désappointement. « Pas étranger à moi ?» reprit-elle ensuite. « Quel rapport ? Qui a pu vous suggérer une semblable conjecture ?»« Ah, voilà, je l'ignore moi-même. Ça m'est venu un jour dans la cervelle, puis ça y est revenu un autre jour, puis un autre. » Et malgré tous mes efforts pour me débarrasser de cette imagination, elle est toujours là, qui me tient en souci. Mais, continua-t-il en se frappant le front, j'ai eu tort de te parler de ça, puisque ça ne sert de rien. Il y a plus de 16 ans que cette histoire est arrivée, et maintenant qu'aucun indice n'a justifié mes présomptions, il aurait mieux valu me taire que de mettre, par mon bavardage, ton esprit à la torture. 16 ans, hélas! « Ce n'est que trop réel, » murmura Angèle. « Jamais je ne déchirerai le voile qui couvre ma naissance. Il faut renoncer aux joies de ce monde. »« Renoncer aux joies de ce monde ? Qu'est-ce que j'entends ? » dit Pierre stupéfait. « Tu déraisonnes, petite. Quoi ? Toi qu'on a surnommée la jolie fille du Faubourg Québec ? Toi qui as reçu une éducation comme pas une des demoiselles les plus huppées ? Toi que chacun envie ? Toi qui pourrais, si tu voulais, ne rien faire du matin au soir, et qui hériteras, quelque beau matin, de 10 000 écus que nous t'avons amassés, ma mère et moi. Toi, cher enfant, tu crois au malheur parce que... Oh, je me souviens de toutes vos bontés pour moi, Pierre, dit Angèle en sanglotant. Le dévouement de toute ma vie ne suffirait pas pour payer la dette de reconnaissance. Chut, assez causé. Interrompit le charretier en lui fermant la bouche sous un baiser. « Allons, séchez-moi ces beaux yeux, mademoiselle la méchante. Nous dînerons, et après, pour te distraire, je te mènerai faire un tour de promenade à la longue pointe dans la nouvelle calèche que j'ai achetée pour toi, mauvaise fille. »« Non, » dit Angèle, « je ne puis y aller. Des travaux pressants. »« Encore ton travail ? Qu'as-tu besoin de travailler, je te demande un peu ? Tant pis, pour cette fois, je ne te lâche pas. L'ouvrage se fera comme il voudra. Pardon, mon ami, c'est impossible. Pas plus impossible que de te prendre par le bras et de te conduire comme ça. Joignant le geste à la parole, Pierre entraîna sa fille adoptive dans la salle. Un couvert de plus, la bonne femme, dit-il en entrant. L'enfant va manger la soupe avec nous. Non, ma mère, dit Angèle en arrêtant Madame Morlaix. Excusez-moi, je n'ai pas faim. Baste, l'appétit vient en mangeant. En vérité, je ne saurais. Laissez, j'ai besoin de retourner chez moi. Es-tu malade ? Non, répartit-elle avec un sourire forcé. Après quelques nouvelles instances des braves gens qui l'avaient recueillie, Angèle put regagner son domicile. Tandis qu'elle descendait la rue des Voltigeurs, Pierre la suivit du regard en marmottant « Ou je me trompe fort, ou la petite n'est pas dans son assiette ordinaire. Faudra que je la surveille. » Fin du chapitre 10 de la 7e partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 11 de la 7e partie. Deux amants de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 11. Arrivée à son domicile, Angèle relut la lettre d'Alphonse et, s'approchant ensuite d'un pupitre en palissandre, cadeau de M. Jobinet, commença une réponse. Mais à peine les premières lignes étaient-elles écrites, mécontente sans doute d'elle-même, déchira le papier qui les renfermait. Une seconde tentative épistolaire eut le même sort, la troisième fut plus heureuse, car après 20 minutes de travail, notre héroïne déposa la plume d'un air satisfait et parcourut des yeux sa missive. Elle était ainsi conçue. « Montréal. Je vous remercie bien de votre lettre, monsieur. La nouvelle que votre santé est bonne m'a fait grand plaisir, car je craignais que tant d'émotions diverses, supportées en si peu de jours, jointes aux fatigues d'un long voyage, n'eussent altéré votre constitution. Grâce à Dieu, il n'en est rien. Ma sainte patronne a exaucé les vœux que je n'ai cessé de faire pour vous. Je la prierai encore afin qu'elle vous continue sa protection. C'est si bon de prier quand l'on est inquiète ou chagrine. Moi, voyez-vous, monsieur, je suis une pauvre fille, toute simple, et je vous avouerai franchement que je ne comprends rien à toutes vos subtilités philosophiques, plus propres à mon sens à obscurcir le jugement qu'à l'éclairer. Sans doute, il ne serait pas saillant que je me permisse de vous donner un conseil. Vous avez tant appris dans les livres que vous ririez de mon ignorance, si elle prétendait indiquer une direction à votre savoir. Mais il me semble, monsieur, que vous cherchez à débrouiller des énigmes trop au-dessus de notre faible entendement. Pourquoi donc doutez-vous? Et de quoi doutez-vous? La Providence ne vous a-t-elle pas montré assez qu'elle prêtait son appui à ceux qui souffrent injustement? Enfin, serait-il croyable que, sans l'aide de notre divin Sauveur, vous eussiez échappé à tant d'ennemis conjurés pour votre perte? Non, cela ne peut être. Un aveugle ne nierait pas des faits aussi palpables. Conséquemment, vous, qui avez l'intelligence pour vous illuminer, la raison pour guider vos appréciations, vous ne devez pas discuter semblable évidence. Du moins, c'est de cette façon que je comprends les choses. Au cas où vous croiriez que je suis dans l'erreur, ne tentez pas de me désabuser, vous n'y parviendriez pas. Je souhaiterais sincèrement que vous eussiez la foi qui m'anime, car vous seriez heureux dans vos malheurs, monsieur. Oui, bien heureux. Ne voilà-t-il pas que je tombe dans le même travers que vous? Pourtant, de ma part, ce travers est doublement excusable. N'avez-vous point provoqué, et ne suis-je pas tenu par mes principes mêmes et ma foi à condamner, par conséquent à combattre, ce qui motive vos tristes incertitudes? Mais je ne veux point, cependant, prolonger une discussion qui répugne à mon caractère et dans laquelle vous obtiendriez encore l'avantage sur moi. Maintenant, vous ne serez peut-être pas fâché de recevoir quelques nouvelles de votre famille et du pays. J'en sais qu'ils ne manqueront pas, sans doute, de vous intéresser. D'abord, si vous avez conçu quelques inquiétudes sur la santé de votre bonne mère et de vos frères et sœurs, rassurez-vous, monsieur, je suis à même de vous dire qu'ils se portent tous bien et prient, chaque soir et matin, le Tout-Puissant de veiller à votre bonheur sur cette terre. Votre mère, monsieur, a fait écrire à mon père adoptif. Si vous saviez combien elle témoigne de sollicitude pour tout ce qui vous concerne. Pauvre femme affligée, vous avez bien raison de l'aimer. Ça doit être si bon d'aimer sa mère, celle qui nous a donné le jour, qui nous a inculqué sa propre vie, son âme, dans le lait dont elle nourrissait nos jeunes ans. Quel plaisir, dites, de prouver sa reconnaissance à celle qui s'est tant et si souvent sacrifiée pour nous. Oh, il me semble que je n'aurai pas assez de jours pour m'acquitter, vis-à-vis de ma mère, de la dette originelle que j'ai contractée en venant au monde. Une mère! Il faut n'avoir jamais connu la sienne propre pour savoir ce qu'il y a de douceur ou d'amertume indicible dans ces mots. Une mère! Ah, monsieur, vous paraissez aimer tendrement, passionnément votre mère, mais aimez-la encore davantage, car cet amour est le plus sacré des devoirs, la plus inexprimable des jouissances, le plus beau des amours. Aimer sa mère, que cela doit être délicieux! Ciel, il me semble que j'expirerais de contentement si j'embrassais, si je voyais ma mère. N'est-ce pas, monsieur, qu'il n'y a point ici-bas d'affection plus charmante, plus grande que celle d'une mère? Une mère pour laquelle on n'a point de secret, une mère qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui sait et nos qualités et nos défauts, qui, après nous avoir gratifiés de la vie physique, s'occupe à nous insuffler la vie morale, qui lit dans nos pensées, étouffe le germe des mauvaises, féconde la semence des bonnes. Une mère! Ah, monsieur, il leur est défendu de jamais se plaindre à ceux qui ont une mère. Qu'est-ce que la souffrance? Qu'est-ce que l'exil? Qu'est-ce que toutes ces petites misères qui escortent notre court passage sur cette planète, quand nous avons une mère près de nous, ou que nous espérons retrouver un jour? Notre Seigneur et Sauveur du monde, Jésus, n'était-il pas soutenu par la présence de sa mère, la bonne et sainte Marie, en montant la croix au calvaire de ses tortures? Et puis, quand aux pensées de sa mère on peut joindre celui d'un père, seuls les orphelins comprennent combien est dure la privation de ces êtres sacrés. Aux orphelins toutes les tristesses, tous les dégoûts, toutes les insultes, tous les déboires. À eux le droit de gémir et d'envisager la mort comme un bienfait. À eux les plaintes dérobées, les larmes secrètes, les désespoirs étouffés. Il y a encore une classe de malheureux plus désolés que les orphelins. À mon tour, monsieur, de faire appel à votre indulgence. Je m'oublie dans mon égoïsme au lieu de vous raconter les choses capables de vous intéresser. Vous souvenez-vous de ces gens qui nous ont arrêtés sur la lisière du bois quand nous allions chez notre excellent ami, monsieur Jobinet? Eh bien, il paraîtrait que ces scélérats attendaient là un citoyen très respectable de notre ville, qu'ils l'ont assassiné et dépouillé d'une grosse somme d'or. Leur procès est commencé. Aujourd'hui, on dit qu'il y aura de curieuses révélations de la part d'un Irlandais, un nommé Mike, celui, si je ne me trompe pas, qui s'est évadé de prison avec vous. Je me souviens de la figure de ce bandit, et je frémis rien qu'en songeant à ce type ignoble de dégradation. Égorger son semblable pour quelques louis, est-ce bien possible? Se vouer à un horrible supplice et se damner éternellement? Mon Dieu, tout cela m'étonne si fort que j'ai peine à y croire. Monsieur Bourgeot, l'homme assassiné, a un beau-fils. Penseriez-vous que Jacques, c'est le nom de son fils, a dit que la mort de son père était méritée? Mais qu'est-ce donc que le monde? Je n'aurais jamais cru à cela si je ne l'avais entendu de mes propres oreilles. Oui, monsieur, devant moi. Le fils a dit en parlant de son beau-père « Baste, après tout, il était assez vieux pour faire un mort. » Oh, mais c'est épouvantable! Je n'en reviens pas. Moi qui détestais déjà ce Jacques Bourgeot, je vous demande un peu si, depuis, je l'ai pris en amitié. Ma lettre est déjà bien trop longue, il est temps que je termine. Bon courage, donc, monsieur. Espérons que votre mauvaise étoile s'éclipsera pour faire, de nouveau, place à la bonne, et qu'un jour vous serez rendu à vos parents et à ceux qui vous aiment. En attendant, croyez-moi, monsieur, votre servante, Angèle. Fin du chapitre 11 de la 7e partie. Enregistré par Nadine Coeur-de-Boulay à Copenhague en mars 2011. Chapitre 12 de la 7e partie, Deux amants, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 12. Deux mois s'écoulèrent sans qu'Angèle reçût une réponse à sa lettre. La jeune fille était fort inquiète. Ses parents adoptifs la voyaient dépérir chaque jour, et déjà ils regrettaient les soins dont ils avaient entouré le fugitif, quand, un matin, Angèle arriva chez eux, toute joyeuse. « Il m'a écrit! Il m'a écrit !» cria-t-elle en entrant. « Ah ! » fit le charretier, avec une expression radieuse qui prouvait qu'il était soulagé d'un grand poids. « Je savais qu'il n'était pas malhonnête en toute cette jeunesse, » dit la mère Morlaix. « Voici sa lettre, » reprit Angèle. « Elle est longue. Voulez-vous que je vous la lise ?»« Comme de raison, » répliqua la bonne femme. « Il est à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, » dit Angèle. « À Saint-Jean-de-Terre-Neuve ? » « Oui, il est allé surveiller une pêche pour le compte de l'armateur qu'il emploie. Mais je vais vous lire la lettre. » La mère Morlaix et son fils se rapprochèrent de leur protégée, laquelle, tirant de son corsage un paquet de papier assez volumineux, commença d'une voix claire et musicale. Fin du chapitre 12 de la 7e partie. Enregistré par Nadine Coeur-de-Boulay à Copenhague en mars 2011. Chapitre 13 de la 7e partie, Deux amants, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 13. Saint-Jean de Terre-Neuve. Surtout ne m'envoyez pas, chère mademoiselle. Votre lettre si bienveillante, si aimée, m'est parvenue au moment où mon patron m'ordonnait d'aller visiter un établissement de pêcherie qu'il a ici. Il fallait partir sur-le-champ. Sans cela, je vous eusse écrit tout d'abord. Mais le navire m'était à la voile, et, depuis lors, je n'ai point quitté la mer. Ah ! Sans cette circonstance, avec quel bonheur j'aurais pris la plume pour vous dire combien je vous suis obligée des preuves d'affection que vous daignez témoigner aux malheureux exilés. Si vous saviez comme elle m'a soulagé votre lettre, comme elle m'a réconciliée avec moi-même. Les beaux sentiments qui l'animent ont fait une profonde impression sur mon cœur. Fortunée mille fois, qui pourra passer ses jours près d'une personne aussi raisonnable que belle, aussi pieuse que douce, aussi indulgente pour les écarts d'autrui que sévère pour elle-même. Ah, je vous aime, je ne puis vous le cacher. N'en rougissez pas, mademoiselle, mon amour est pur, et jamais il ne me fera manquer au respect, à la reconnaissance éternelle que je vous dois. Cet aveu ne me coûte point, car il est celui d'un honnête homme, qui désire uniquement votre félicité, et qui vous obéira en toutes les choses que vous lui commanderez, sachant bien que la droiture de votre jugement ne saurait l'engager au mal. Maintenant, vous êtes mon ami, n'est-ce pas? Voulez-vous me permettre de vous conter les petits incidents de mon excursion? Ils sont assez piquants, et si je réussis à les dire convenablement, je suis sûre qu'ils vous intéresseront. D'abord, quand je me présentais au capitaine du navire, avec les lettres de crédit de notre armateur, le premier me demanda si j'avais déjà pêché le maquereau. « Jamais ? » lui répondis-je. « Jamais, » dit-il. « Oh, alors je ne puis vous prendre à mon bord. » « Mais l'armateur ? » « L'armateur, qu'est-ce que ça me fait ? Il me faut des hommes exercés ou rien. Les novices encombrent un bâtiment. Ils gênent les matelots, tombent malades. Il faut les ramener à terre. Je n'en veux pas. »« Quoi, vous me refusez ? » ?»« Désolé, mais je n'y puis rien. Que l'armateur me donne un surveillant exercé s'il le veut. » Pour un greenhorn, note, novice, naïf, niais, fin de la note, ça ne me va pas plus qu'un verre d'eau quand j'ai du rhum à discrétion. Mais j'ai des connaissances en marine. Je puis au besoin faire le métier de charpentier à bord. Vraiment? Sur ma parole. Alors, c'est une autre affaire, dit le capitaine en se ravisant. Ainsi, c'est convenu? Oui, mais à une condition. Dites. Vous remplacerez mon charpentier, qui est parti en bordée ce matin. Autant que les devoirs de mon emploi me le permettront. Sans doute, grommela le capitaine, car de même que tous ses collègues, il n'aimait pas les surveillants qu'on leur impose. Je fus installé à bord dans une mauvaise cabine, juste à peine assez grande pour qu'un homme s'y pût remuer, et où nous couchions quatre, le pilote, le premier maître, un mousse et moi. Avant le départ pour les bancs de Terre-Neuve, je m'étais renseigné sur la question des pêcheries. Les caps Anne et Cod sont les deux points principaux où l'on fait la guerre au maquereau, sur les côtes de l'Amérique septentrionale. La flotte, employée chaque année à cette pêche, se partage en deux sections. L'une suit le poisson dans l'Atlantique, depuis les caps de la Delaware jusqu'aux rivages occidentaux de la Nouvelle-Écosse. Ces bâtiments nombreux et de petites dimensions se tiennent toujours en vue les uns des autres, et, comme ils couvrent l'océan d'amorce, ils capturent généralement plus de poissons que ne le feraient des vaisseaux occupés isolément à la même besogne dans les mêmes eaux. 500 navires environ, jaugeant de 70 à 120 tonneaux, forment ce qu'on nomme la flotte de la baie ou l'autre section, organisation totalement distincte de la première. Parmi ces bâtiments, ceux qui sont affrétés pour le cap Anne sont les plus petits. Ils jaugent de 70 à 90 tonneaux. Ceux du cap Cod en ont de 90 à 120. Une vive émulation règne entre les gens des deux caps. Elle dégénère souvent en des rixes sanglantes. Les pêcheurs ne reçoivent pas de salaire, mais ils ont droit à la moitié du poisson pris, déduction faite, sur leur part, de ce qui est dû pour les frais d'appât, les gages du maître queue, et le prix, par baril, de l'inspection, l'empaquetage et la salaison. Le dernier article coûte environ 7 francs par baril. En somme, on peut évaluer aux 3/7 environ les bénéfices nets qui reviennent à chaque homme sur la prise générale. Les patrons des navires fournissent toutes les provisions, le sel, les hameçons, les lignes, le plomb, l'étain, etc. Et habituellement, ils se réservent le droit de vendre le poisson au plus haut prix qui leur est offert, avant que le vaisseau soit prêt à recommencer un autre voyage. L'équipage peut, toutefois, disposer à son gré de sa part, mais rarement il use de ce privilège, préférant s'en rapporter aux propriétaires qui font la vente et remettent l'argent à leurs hommes. De gros marchands de New York ou de Boston achètent, d'ordinaire, les maquereaux quelques jours avant le retour du ou des navires. Les prix varient naturellement suivant la qualité. Saint-Jean possède 8 ou 10 établissements affectés à ce négoce. Tous ont un intérêt plus ou moins grand sur chaque navire qui mouille à leur quai. Il en est peu qui perdent de l'argent. Les provisions que l'on embarque sont d'habitude excellentes. Le meilleur bœuf, porc salé, café, thé, chocolat, sucre, riz, mélasse, beurre, patates, farine, etc. Car nos pêcheurs vous ont un palais délicat. Ils se sont fait la plus haute idée de la nécessité de bien vivre, veulent à chaque repas du pain frais et chaud, ainsi que leur gâteau pour le thé, et des pâtisseries toutes les fois qu'ils ont faim, c'est-à-dire à tout moment. En somme, le cuisinier est, aux yeux de ces épicuriens d'eau salée, un personnage d'une importance égale à celle du patron. La première question d'un matelot à l'autre est celle-ci. Quel est votre patron? Puis, quel est votre cuisinier? Les réponses sont-elles satisfaisantes? Le questionneur demande un engagement. Et il la fait aussitôt, cette demande. Je dis demande, car un bon pêcheur peut toujours obtenir un engagement. Étant par là indépendant, il se montre difficile dans son choix. Les 4/5 des équipages sont des Yankees ou des nouveaux Écossais. Le reste se compose d'Anglais, Irlandais, Canadiens, Écossais, Allemands, et de quelques Portugais, Suisses ou Norvégiens. Ce sont communément des marins de première classe, car ils tiennent presque toujours la mer d'un bout de l'année à l'autre, 7 mois à la pêche de la morue et 5 à celle du maquereau. Cette dernière est peut-être la plus profitable, en tout cas, elle est la plus agréable. En janvier, on affrète les goélettes pour les grands bancs ou pour le banc Georges. Le dernier est à 200 milles à l'est de Boston, en plein Atlantique. Il n'a ni port ni abri. Les navires courent sur leurs ancres pendant la tempête et les grains, et les matelots sont continuellement soumis aux plus rudes fatigues, aux plus cruelles intempéries. Un grand nombre se gèlent les mains et les pieds. Nulle merveille qu'ils soient vigoureux et hardis, et qu'ils soient toujours bien accueillis dans la marine militaire ou marchande. Nulle merveille non plus que la mort fauche sans cesse dans leurs rangs avant qu'ils aient atteint la vieillesse. Les bâtiments qui vont au grand banc ne sont guère abrités, mais le voyage est plus long, et beaucoup de matelots le préfèrent à cause de la certitude de plus gros profits. En juin, ces bâtiments s'assemblent dans le port. On les peint, on les nettoie, on fait leur toilette, avant de les expédier à la baie. Tout le monde prend joyeusement part au travail, car le changement des bancs à la baie ressemble à l'heure de la récréation, après la réclusion dans une salle d'école. Toutes les goélettes sont peintes à peu près de la même manière, en noir avec une bande blanche, et les mâts enrubannés ou bariolés de jaune. Ils sont aussi gréés de même, portant généralement un grand mât, mais pas de hunier de misaine, foc et foc volant, grande voile et voile de misaine, avec toile de beaupré pour les brises légères. On les construit de manière à ce qu'ils unissent la solidité à la capacité. Et celui qui peut gagner 1 mille sur 7 en naviguant au vent est généralement considéré comme un bon voilier. Aux yeux d'un homme de terre, tous les navires d'une flotte paraissent semblables vus à une courte distance. Mais l'expérience et la pratique ont appris aux pêcheurs à établir, dans le gréement et la coque, 100 points de différence qui échappent au Pékin, comme disent les soldats français. De fait, j'ai souvent, à l'aide d'une longue vue, aperçu à l'horizon la pointe d'un grand mât et peut-être une voile de perroquet, alors que tous les gens de l'équipage pouvaient dire où se dirigeait ce navire quelle était sa forme et même son nom. Les vaisseaux coûtent de 15 à 25 000 francs la pièce. Le patron est généralement intéressé pour un quart, dont les dividendes, avec son temps pour cent, de 3 à 5%, sur la part de la prise appartenant au navire, forment la seule différence entre sa portion et celle de l'équipage. Et il arrive quelquefois qu'il y a à bord des pêcheurs qui gagnent plus sur un voyage que le patron lui-même, quoique de tels exemples soient rares. Le travail du patron est de moitié plus pénible que celui de l'équipage, car il lui faut être debout toute la nuit, quand il y a des indices d'une augmentation ou d'un changement de vent. De plus, il doit jeter l'appât pour tenir le poisson près du navire, rester au gouvernail tandis que le navire file à travers les bancs de maquereaux et en entrant au port comme en en sortant. Par-dessus tout cela, il a mission de veiller à ce que rien ne se détériore dans le gréement ou la coque du vaisseau. En un mot, sa vie est en proie à une anxiété continuelle et n'obtient qu'une récompense minime pour tant de peines. L'équipage n'a aucun souci. Chaque homme monte la garde à son tour et fait son quart au gouvernail. En dehors de ses occupations, il n'a qu'à manger, boire et dormir. Sauf quand le poisson mord ou qu'il faut l'appâter. Les goélettes portent 3 fois le nombre de bras suffisant pour manœuvrer des embarcations de cette classe. Aussi le travail à bord n'est-il qu'un jeu, et l'on peut mettre à l'œuvre ou déployer toutes les voiles avec autant de promptitude que sur un navire de guerre. Quand j'arrivais le jour du départ à bord du Franklin, la goélette qui devait m'emmener, l'aspect sur le pont n'était pas des plus encourageants. Il y avait sur ce pont un encombrement de malles et de paquets qui semblait venir de toutes les parties du monde. C'était une inextricable confusion. On ne pouvait poser le pied sur le plancher sans heurter quelque objet d'habillement ou d'alimentation. Le maître Cook était à l'avant. Il mettait en ordre son petit assortiment de vaisselle. En me voyant, il me dit d'un ton gouailleur « Ah ah, vous voilà, monsieur le novice. J'espère bien que vous serez malade avant demain matin. » Ce souhait n'était pas fort rassurant, mais je fis contre mauvaise fortune bon cœur, et pour me concilier les bonnes grâces du dispensateur des vivres, je lui offris un coup de rhum qu'il accepta sans façon, comme une chose due. Mais je fis contre mauvaise fortune bon cœur. L'équipage ne tarda pas à se montrer. Bel équipage, ma foi. Jamais je n'avais vu, même à Québec, une troupe de jeunes hommes plus robustes, plus gais et plus dispos. Ils riaient que c'était plaisir à les entendre. La connaissance fut bientôt faite. Quoique j'eusse un certain commandement sur ces hommes, je préférais me les gagner tout de suite par l'affection plutôt que de m'imposer à eux. Une dame Jeanne pleine de Jamaïque et des cigares que j'avais eu soin d'emporter furent les traits d'union de nos bonnes relations. Nous fumions et buvions déjà comme de vieux amis quand la voix du patron retentit. « Parez la grand-voile, larguez la misaine, déployez les focs !» Aussitôt tout le monde se leva et courut exécuter les ordres. Notre patron ou capitaine se mit à la roue, et moi, pour ne pas rester inactif, j'aidai les hommes à haler les cordages. Ils furent surpris de voir que je n'étais pas aussi ignorant du métier qu'ils l'avaient cru d'abord. Ces notions me conquirent leur estime. Peu après, ordre fut donné de ranger les bagages, et en moins de 10 minutes, le pont se trouva libre. Vers 5 heures, on annonça le souper. Nous descendîmes dans l'entrepont, moi, comme un sot, le dernier. Mais dès que mon appétit fut établi un peu plus tard, et que l'importance d'être le premier à table m'eut été démontrée, je reconnus bien vite le néant des cérémonies. Comme un sot, ai-je dit, car difficilement parvins-je à obtenir une place, et plus difficilement quelques vivres. Par bonheur, je n'avais pas grand faim. Mes plus longues courses maritimes n'avaient guère dépassé le Saguenay en bas de Québec, et je n'étais pas aguerri contre le mal de mer. Je ne l'avais point, il est vrai, mais le pressentiment me coupa l'appétit. Après le souper, je me retirai dans ma cabine, où je ne tardai pas à m'endormir. Des rêves affreux troublèrent mon sommeil, et, le lendemain matin, je m'éveillai rien moins que charmé de la vie de marin. Durant toute la journée, les gens de l'équipage me lorgnaient, à chaque instant d'un air moqueur, attendant les premiers symptômes du mal fameux, et prêts, sans doute, à me prodiguer des soins à leur manière. Mais Neptune me protégea. J'en fus quitte pour la peur, quoique pendant 3 jours je me sentisse faible et peu disposée à manger. Le 6e jour, nous jetâmes l'ancre dans la crique du sommeil, au détroit de Canso. Nous y restâmes 48 heures pour faire de l'eau. Je m'amusai fort à prendre des homards, à courir la campagne et à cueillir des framboises qui viennent abondamment dans cette partie de la Nouvelle-Écosse. Elles sont fort grosses et d'une saveur toute particulière. Le patron et moi nous visitâmes aussi une goélette qui retournait à son port d'embarquement avec une cargaison de poissons. Les gens de cette goélette nous apprirent que le maquereau essaimait, mais qu'il était petit. Ils n'avaient mis que 3 semaines pour remplir leur vaisseau et rapportaient qu'un grand nombre de bâtiments de Gloucester étaient dans la baie. Le lendemain, nous remîmes à la voile. Bientôt après, le patron nous appela et nous partagea les lignes, les hameçons, le plomb et l'étain. Ces lignes sont en fil blanc ou bleu, de la grosseur des fortes lignes à truites. Les places que les pêcheurs devaient occuper furent alors marquées et tirées au sort, à l'exception de celles du capitaine, du cuisinier et de la mienne, qui sont les mêmes sur tous les vaisseaux, c'est-à-dire que le cuisinier a celle d'avant, juste après le mât de misaine, le patron celle du milieu, et le surveillant celle d'arrière, à l'écart de toutes les autres. Ces places sont appelées cadres, comme les lits des navires. Je trouvai mon cadre situé, en conséquence, à la poupe, fort commode et meilleur pour moi que tout autre, car ailleurs, j'aurais continuellement, par mon défaut d'habitude, emmêlé les lignes de l'équipage. Ayant donc plongé mes premiers regards dans les mystères de l'opération, je me mis à fumer, étendu au soleil, en étudiant avec un profond intérêt les procédés de l'équipage. La première chose que firent les hommes fut d'arranger leurs cadres respectifs de façon à pouvoir y enrouler leurs lignes. Ensuite, on se mit à la fonte des plombs. À cet effet, on se sert d'un moule en fer auquel l'hameçon est solidement fixé, le bout de la tige et la pointe demeurant hors du moule. On fond ensemble du plomb et de l'étain qu'on verse dans le moule. Et quand un homme a fabriqué tous les plombs dont il a besoin, il passe l'instrument à son voisin, qui s'en sert à son tour. Au bout de 3 heures, tous les plombs étaient coulés, et les hommes, accroupis sur le pont, s'occupaient activement avec des limes, des râpes, du papier de verre et de la peau de chien marin, à polir, amincir et façonner les plombs suivant leur fantaisie. Moi aussi j'avais fait un essai pour me fondre un plomb, et j'avais réussi à verser une partie du liquide dans mon soulier, une autre partie sur le plancher, et une particule dans le moule. 2 matelots vinrent à mon secours, et fort heureusement. Sans eux, je me fusse brûlé avec la patience d'un martyr. Le lendemain, en arrivant à mon cadre, je le trouvai gréé de lignes, plomb, hameçons, et de tout ce qui était nécessaire pour faire une pêche plantureuse, si l'adresse du pêcheur répondait à l'excellence des instruments. À qui étais-je redevable de cette délicate attention? Aux braves matelots dont je viens de parler, 2 Canadiens, Jean-Baptiste Laframboise et Joseph Lafleur, 2 garçons honnêtes et prévenants, s'il en fut. Ils m'ont comblé de petits soins pendant tout le cours du voyage. Aussi sont-ils les amis de Pierre Morlaix, à qui ils envoient une foule de compliments. Fin du chapitre 13 de la 7e partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 14 de la 7e partie, 2 amants, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 14. Tout de même que je les ai bien connus, Jean-Baptiste Laframboise et Joseph Lafleur, interrompit le charretier. Pardi, ajouta sa mère, ils venaient se régaler tous les dimanches chez nous. C'est des bons hommes. Je suis bien contente que les aie vus, monsieur Alphonse. Continue, fillette, ça m'intéresse, dit Pierre. Et Angèle poursuivit. Fin du chapitre 14 de la 7e partie. enregistré par Nadine et Kurt Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 15 de la 7e partie, Deux amants, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 15. Comme l'équipage était prêt maintenant à la pêche, et que nous approchions du futur théâtre de nos exploits, le patron distribua les heures des repas dans l'ordre suivant. Déjeuner à 4 heures du matin, à moins que le poisson ne morde, dans ce cas, aussitôt après qu'il a mordu. Dîner à 11 heures avant midi, avec la même exception. Thé à 4 heures après-midi, toujours avec la même exception. Souper à toute heure depuis 8 heures du soir jusqu'au lendemain matin. Pas d'exception à cela, car le maquereau ne mord plus après le soleil couché. Nota, défense de jouer aux cartes, excepté lorsque l'ancre est jetée. Le surlendemain, je dormais profondément, quand, pour la première fois de la vie, je fus réveillé par ce cri. « Tout le monde sur le pont, voici le maquereau !» Je me dressai tout d'un coup. Ma tête frappa contre le plancher supérieur et retomba lourdement sur son maigre oreiller. Les matelots étaient déjà en haut. Je ne tardai pas à les rejoindre, malgré les douleurs que me causait une grosse bosse au front. Les poissons commençaient à frétiller déjà dans les barriques défoncées qu'on place à la droite de chaque pêcheur. Machinalement, je jetai une ligne et la retirai bientôt en sentant que ça mordait. Mais je n'avais pas été assez leste. Le poisson échappa. Je relançai ma ligne. Un maquereau s'accrocha à l'hameçon. Voulant profiter d'une première expérience, je donnai un coup si brusque au fil pour le sortir de l'eau qu'il me coupa le doigt et que j'arrachai l'hameçon hors de la gueule du poisson. De nouvelles tentatives n'eurent pas plus de succès. Un moment je sentais bien le poids du maquereau au bout de ma ligne, mais un moment après, il était parti. Regardant par-dessus bord, je pouvais voir les animaux avec leurs yeux ronds tournés vers moi et leur gueule ouverte, comme pour se moquer de ma maladresse. Je jetai un coup d'œil dans la barrique de mon voisin. Elle était presque pleine. Il y avait de quoi se désespérer. Au bout d'une heure, le frai cessa. Le poisson ne mordit plus. Il avait disparu. Les matelots vinrent examiner ma barrique. Son vide inaltéré les fit sourire un peu. Mais ils m'engagèrent à ne me pas décourager et promirent de m'aider à la prochaine occasion. Vers 10 heures, l'un d'eux cria « Patron, un banc de maquereaux à bâbord! Ils sont à 1 mille de distance !» Nous étendîmes nos regards dans cette direction. On apercevait une grosse ride aisément reconnaissable entre les griffes de chat faites par le vent. Le capitaine empoigna le gouvernail. Un des hommes se plaça à califourchon sur un bout dehors, avec ses mains pleines d'appâts. Un autre se logea de même sur la chaloupe de la goélette. Un troisième se porta à la boîte aux amorces. Le reste de l'équipage s'établit aux écoutes du grand mât et du mât de misaine, au cordage, au palan et aux drisses. « Vire vent devant derrière !» commanda le patron. Puis ensuite, « Mettez en panne !» Au bout de 5 minutes, la goélette était presque stationnaire, au milieu d'un amas de poissons si profond, si considérable, qu'il eût retardé sa course si nous eussions voulu le traverser toute voile dehors. La mer, aussi loin que l'œil pouvait porter, semblait pailletée d'argent. La framboise laissa ses lignes et s'approchant de moi. « Quand ça mord, dit-il, tirez vite et ferme, comme ça !» Et il amena un maquereau sur le bord. « Il ne faut pas, continua-t-il, essayer de le sortir de l'eau du premier coup, vous lui brisez la mâchoire supérieure et le perdez. Mais quand il est à 3 pieds de vous, allongez la main droite le long de la ligne, à 6 pouces de son museau, comme ça. Puis enlevez vivement et envoyez-le dans la barrique, d'un coup sec, comme ça. De la sorte, l'hameçon se décrochera et le plomb entraînera la ligne dans l'eau. Faites de même à l'égard de l'autre ligne. » La framboise prit une demi-douzaine de poissons en me donnant des explications, et il me livra à mon habileté. Pendant quelque temps, je ne fus pas plus chanceux qu'auparavant. Et je me rappelle que je saisis d'une main le premier maquereau que je réussis à haler sur la goélette, tandis qu'avec l'autre j'enlevais l'hameçon. Cela donna tant à rire à nos compagnons que que je renonçais à ce mode primitif, usité par nos pêcheurs d'eau douce. Lorsque le poisson eut fini de mordre, nous nous divisâmes en quatre bandes pour le préparer et le saler. On s'y prend ainsi pour ces opérations. Tout le monde endosse des vêtements de toile huilée, à l'exception du patron, qui demeure au gouvernail, et dont les poissons sont apprêtés par la bande la plus proche de son cadre. Puis le fendeur prend un maquereau dans sa main gauche et l'étend sur une table. Il tire un couteau long, affilé et mince, l'enfonce dans la tête du poisson et le tranche jusqu'à la queue sans le séparer entièrement. Ensuite, d'un tour de poignet, il lance la victime dans la cuve aux tranchées, sorte de boîte en bois, ayant environ 4 pieds carrés et 6 pouces de profondeur, de chaque côté de laquelle se tiennent les videurs. Ils enlèvent les entrailles, ce qui se pratique en tenant le poisson de la main gauche et en détachant, avec le pouce de la droite, les ouïes de chaque côté. Tous les viscères sont extraits avec les doigts et le poisson est précipité dans un baril de sel. Il y reste pendant 1 heure. Après quoi, il est salé et mis dans un autre baril. Dès que les barils sont pleins, on les ferme, on les marque au nom du propriétaire ou d'autre manière pour les distinguer, et on les arrime dans la cale. La rapidité et la dextérité avec lesquelles une prise de poisson est apprêtée sont vraiment surprenantes. J'eus pour emploi de passer les maquereaux au fendeur, puis au saleur, et quoique je travaillasse avec toute l'activité possible, je ne parvins pas à les tenir tout le temps en haleine. 2 hommes peuvent vider aussi vite qu'un seul peut fendre, et les troupes font toujours assaut de célérité pour achever le plus tôt leur ouvrage, surtout quand approche le coucher du soleil. Car, comme le souper est le seul repas auquel l'équipage entier se rassemble dans l'entrepont, et que le logement est assez étroit pour 12 hommes, on comprend aisément que les premiers venus sont les premiers et les mieux servis. Tout le poisson étant apprêté, on lave le pont. Les barils qui n'ont pu tenir dans la cale sont convenablement rangés autour des mâts, de manière à ne pas gêner les manœuvres, et on se remet à la pêche. Je ferai remarquer ici que si on n'avait pas de l'eau en aussi grande quantité qu'on le désire, cette pêche serait une tâche assez dégoûtante. Et même, telle qu'elle est, je constate qu'il y a bon nombre d'occupations plus propres. Mais c'est chose fort émouvante que de prendre le maquereau quand il mord bien. Ce mouvement continuel des bras et des mains, ces frétillements du poisson lorsqu'il passe de l'eau dans les barils, ces cris impatients que l'on entend à chaque minute, tout cela vous anime et vous amuse beaucoup. « Retirez vos lignes, elles gênent les miennes !» s'exclame un matelot. « À qui ces hameçons que je trouve dans mon cadre ?» hurle l'autre. « Le maladroit qui embrouille mes fils !» ajoute un troisième. « Des amorces ici, patron !» demande un quatrième. Et son voisin qui se lève triomphalement, « J'ai pris un roi! J'ai pris un roi !» On nomme ainsi certains maquereaux d'une forte espèce. Un juron énergique résonne à 2 pas de moi. C'est un matelot qui a cassé sa ligne. Un cri d'étonnement lui succède. C'est son camarade qui a pris un jeune requin. Enfin, il règne sur la goélette une ardeur, une joie, je puis dire le mot, que je n'ai jamais rencontrée ailleurs. Mais il n'est permis qu'à la langue et aux membres supérieurs de s'agiter. Le reste du corps, et les pieds surtout, doivent rester de longues heures dans une immobilité complète. Remuez-les un tant soit peu, et vous contrarierez les mouvements de vos compagnons, ou empingerez leurs lignes qui vous environnent de toutes parts. Peu à peu, les mordeurs diminuent. Le feu de la pêche se ralentit. À peine de temps en temps, un petit maquereau, sorte de fretin, se hasarde-t-il de donner sur l'amorce. Tous nos gens respirent. Ils passent leurs jambes par-dessus bord et s'assoient pour se délasser. Alors voilà sonner l'heure des jeux de mots, des plaisanteries, des contes joyeux, des rires bruyants. On se dédommage à cœur que veux-tu du long silence, de la pénible position observée précédemment. On se mettrait déjà à chanter si la voix du cuisinier ne se faisait entendre. « Mes enfants, voici le maquereau qui revient !» En 1 seconde, les jambes cessent de se balancer, les visages reprennent leur gravité. Les rires et les gaudrioles expirent sur les lèvres, on se remet à la besogne. Parfois l'équipage demeurera à sa tâche pendant 4 heures nouvelles, jusqu'à ce que le patron dise « Allons, mes gars, m'est avis qu'il faut nous apprêter, non pas nous, mais la prise. » C'est ainsi qu'il se permet le calembour quand il est en belle humeur, le patron. Après avoir rempli de la sorte 150 barils, une succession de vents de l'est et de lourds brouillards nous assaillit, et pendant 3 semaines, nos lignes chômèrent. Nous croisâmes le long de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et des côtes du Canada. Nous remontâmes aussi les côtes du Saint-Laurent, et je vis presque l'instant où je pouvais aller embrasser ma bonne mère à Québec. Mais, hélas, c'eût été un bonheur trop grand pour moi, sans doute. Il me fut refusé. Chaque jour, cependant, nous découvrions d'innombrables quantités de poissons. En vain nous jetions nos lignes, les maquereaux ne voulaient pas mordre. Nous hélâmes les patrons de 40 bateaux pêcheurs au moins, et échangeâmes invariablement ces paroles. « Avez-vous pris du poisson depuis peu ?»« Non. »« En avez-vous vu ?»« Oui. »« Où ?»« Il y en a considérablement dans la baie. »« Je sais. Vous y êtes allé ?»« Oui, j'en ai pris. »« Et maintenant ?»« Maintenant, il ne veut pas mordre. » D'aventure, une goélette éloignée d'un demi-mille environ, et nageant dans les mêmes eaux que nous, se gréait pour nous inviter à une joute. Inutile de vous dire que toujours nous acceptions le défi avec enthousiasme. C'était un incident agréable au milieu de l'ennui qui nous dévorait. Car c'est une chose triste que de n'avoir rien à faire du matin au soir. La monotonie des scènes pèse sur l'esprit d'un poids de plomb, et pour mon compte, je crois que je n'aurai jamais le courage de demeurer 6 mois sur un bâtiment pris par un calme plat. Enfin, notre maître queue, qui était toujours au guet, signala un banc de maquereaux. Je vous laisse à penser si la nouvelle fut accueillie avec des transports d'allégresse. Les lignes furent tendues en un clin d'œil. Le poisson happa les amorces avec une voracité dont je n'avais point eu encore d'exemple, et, en moins de 2 heures, nous en eûmes capturé plus de 20 barils. Grande fut la satisfaction à bord du Franklin. Le soir, après la journée, il y eut bal et réjouissance sur le pont. On fit une distribution extraordinaire de rhum, et nos matelots passèrent une partie de la nuit à fêter l'heureuse capture. Tournant ensuite vers le cap septentrional de l'île du Prince-Édouard, nous rencontrâmes plusieurs navires, tous chargés de maquereaux. Le temps était fort beau, quoique un peu froid, avec une brise accidentelle du nord-ouest. Nous continuions la pêche avec des résultats fort agréables, lorsqu'un matin le patron nous dit « Allons, mes gars, ça commence à bien faire. Il faut en laisser pour la saison prochaine. Demain, nous irons déposer notre frais à Saint-Jean. » Au moment où il parla ainsi, nous étions sur un banc de maquereaux. Ce jour-là, nous ajoutâmes 18 barils de poissons aux autres prises que nous avions déjà faites, et notre pêche fut terminée. Le dimanche suivant, nous touchâmes à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, où je suis depuis lors, achevant d'inspecter l'établissement de pêcherie de mon armateur et attendant un navire qui me ramènera à New York. Je vous ai, mademoiselle, donné ces détails sur mon petit voyage afin que vous les communiquiez à M. Jobinet. Comme il doit fréter, l'année prochaine, un navire pour faire la pêche au maquereau, et comme il m'a demandé des informations à ce sujet, il ne sera peut-être pas fâché de savoir de quelle manière les Yankees pratiquent cette pêche. Je serais 1000 fois heureux si ma relation pouvait lui être de quelque utilité. Pour moi, je ne me croirais jamais libéré de la dette de gratitude que j'ai contractée envers lui. Je ne parle pas de ce que je vous dois à vous, mademoiselle, ni à vos dignes protecteurs, Pierre Morlaix, et à sa respectable mère. Mais si le témoignage le plus sincère et le plus ardent d'un cœur profondément touché par vos nobles qualités ne vous semble pas une vaine protestation, soyez convaincu que vous avez pour jamais celui d'un homme qui demande chaque jour au ciel la faveur de vous consacrer toute son existence. Alphonse. Réponse, je vous prie, à New York. Fin du chapitre 15 de la 7e partie. Enregistré par Nadine Coeur-de-Poulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 16 de la 7e partie, Deux amants, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 16. Il y avait déjà quelques jours qu'Angèle avait reçu cette lettre, et elle songeait à y répondre lorsqu'un matin Pierre Morlaix entra précipitamment dans sa chambre. « Angèle !»« Eh bien, qu'avez-vous? Qu'y a-t-il » demanda celle-ci, surprise de l'agitation qui régnait sur le visage ordinairement serein du charretier. « Ce qu'il y a, bonté divine !» s'écria Pierre. « Ce qu'il y a, oh, j'étouffe de joie !» « Mais, mon Dieu, comme vous paraissez ému !»« Allons, viens, suis-moi. Il faut que tu m'accompagnes sur le champ. »« Ah, Seigneur Jésus, je m'en doutais ben. Cependant, qui eût pensé ?»« Quelle histoire, quelle histoire! Je n'en reviens pas. »« Qu'est-ce donc ?»« Ce que c'est, ce que c'est !» poursuivit Pierre avec une volubilité étonnante. « Je vas te le dire, mais auparavant, laisse-moi t'embrasser, car le bonheur me suffoque. Je ne sais pas ce que je dis. » « Voyons, calmez-vous, » fit Angèle, en lui rendant caresse pour caresse. « Me calmer ? Eh oui qu'on se calmera. Mais comme tout cela est merveilleux ! Faut-il que le hasard soit grand ? Enfin ! Oui, oui, je ne te tiendrai pas plus longtemps sur des charbons. Mais sortons et monte dans ma voiture. Je t'expliquerai tout cela en chemin. Vite, embarquons !» La jeune fille essaya encore quelques objections, mais inutilement. Pierre lui prit le bras et l'entraîna vers sa calèche, qui attendait à la porte. Fin du chapitre 16 de la 7e partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague, en mars 2011. Chapitre 17 de la 7e partie, Deux amants, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 17. Où allons-nous ? Demanda Angèle, après s'être installée. Pas de soin, ma fille, répondit le charretier, en excitant les chevaux. Pas de soin, tu le sauras bientôt. Un tout petit brin de patience. La voiture volait avec la rapidité du vent, en soulevant derrière elle un nuage de poussière. Après 5 minutes de cette course furieuse, Pierre arrêta ses chevaux devant le palais de justice, près de la place Jacques-Cartier. Fin du chapitre 17 de la 7e partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague, en mars 2011. Chapitre 18 de la 7e partie, Deux amants, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 18. Une véritable marée humaine refluait du prétoire vers la rue Notre-Dame, et la foule s'écoulait ou s'attroupait, grondeuse, autour de l'édifice, avec tous les signes d'un vif désappointement. Voici ce qui s'était passé. Traduit devant la cour d'assises de Montréal, l'Irlandais Mike, autant par forfanterie que par désespoir d'échapper jamais à la corde, avait fait les aveux les plus complets, c'est-à-dire qu'il avait recommencé le récit de son histoire personnelle. Je laisse à penser si cette narration fit une profonde impression sur l'auditoire et les juges. Pierre Morlaix, mêlé à la multitude des assistants, prêtait une oreille avide à l'exposé de ce tissu d'horreur. Exposé fait d'un ton froid, parfois railleur, et toujours animé par le pittoresque de l'expression. Mike arriva à l'enlèvement de la petite fille. Interrogé sur la date de cet enlèvement, il donna une réponse qui fit tressaillir le charretier. Le président du tribunal ayant demandé à l'inculpé s'il savait ce qu'était devenu l'enfant, « Non, répondit-il, mais il est probable que le capitaine l'aura coulé bas. » Cette enfant avait-elle quelques signes distinctifs ? Je me souviens que ses yeux étaient noirs comme l'aile d'un corbeau et ses cheveux blonds comme l'or, répondit Mike. Et rien de plus particulier ? Oh, attendez ! S'écria l'Irlandais en se frappant le front comme un homme dont la mémoire commence à s'éclairer de nouvelles lueurs. Attendez, bateau ! Oui, c'est cela. Il me semble que je la vois. Sur l'épaule gauche, l'enfant portait une marque rousse, tout à fait semblable à un petit papillon, et au cou, une médaille d'argent avec ce nom sur la face, Angèle. À ces mots, Pierre poussa un cri de joie, sortit rapidement de la salle d'audience, et, se jetant dans sa voiture, courut chez Angèle. Pourquoi dire que tous les détails qu'il venait d'entendre s'accordaient à lui prouver que sa fille adoptive n'était autre que la nièce de feu le capitaine Larançon, ou de M. Bourgeot, comme il s'était fait nommer à Montréal? Pendant que le charretier brûlait le pavé pour annoncer à sa chère enfant que le secret de sa naissance était dévoilé, le tribunal renvoyait à Huitaine la continuation des débats sur cette affaire. Fin du chapitre 18 de la 7e partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en mars 2011. Chapitre 19 de la 7e partie, Deux amants, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 19. On prit des informations à Québec. Toutes vinrent appuyer les aveux de Mike, qui, cependant, confronté avec Angèle, confessa d'abord ne point la reconnaître. Mais, lorsqu'on lui montra le signe qu'elle avait sur l'épaule gauche, il jura que c'était bien le même qu'il avait vu 16 ans auparavant. Heureusement, la vieille nourrice de la jolie fille n'était point morte. Elle vivait dans un petit village près de la métropole. Mandée à Montréal, elle corrobora les dépositions de l'Irlandais par rapport à l'incendie de la maison qu'elle habitait jadis à Québec avec l'orpheline de Charles Larançon, et la disparition de l'enfant qu'on pensait avoir été dévorée par les flammes. Toutes ces preuves accumulées n'étaient-elles pas suffisantes pour constater l'identité de notre héroïne et rétablir sa filiation légitime? Fin du chapitre 19 de la 7e partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en mars 2011. Chapitre 20 de la 7e partie, Deux amants, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 20. Lecteur curieux, que vous dirais-je de plus que votre esprit pénétrant n'ait déjà deviné? L'cageux et Stephen furent acquittés, Mike condamné à la potence, avec les deux complices, deux anciens matelots, qu'il avait aidé dans la perpétration de son crime, et il expira sur le gibet en marmottant « Bateau, je savais bien que je savourerais une seconde fois les voluptés de la corde. » Fin du chapitre 20 de la 7e partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en mars 2011. Épilogue de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Épilogue. La jolie fille du faubourg Québec fut longtemps la jolie femme de New York. Il y a quelques années encore, en la voyant passer, doucement appuyée au bras de son mari, M. Alphonse Maigret, un des plus riches constructeurs de navires des États-Unis, les promeneurs s'arrêtaient et de leur bouche ce cri s'échappait. « Mon Dieu ! Quel beau couple !» Fin de l'épilogue. Fin de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en mars 2011.